Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonsoir à tous, chers copains et copines, et bienvenue. Les copineaux. Les copineaux, les copinettes. Bienvenue chez Papa Cassette, l'épisode 156. J'ai même pas pensé à ça, c'est vrai. Ah, Glenn Métropolite. Ouais, attends, ça nous prend un 56. Ça va bien, JF? Ouais, ça va, toi? Ouais, oui, absolument. Hostie, on n'a pas pensé à nos Canadiens. On pense les chapeaux de roue, on pense aux Canadiens en playoff, mais on pense pas aux numéros qui vont avec les Canadiens. Non, 56, c'est ça. Y en a-tu un Canadien? List of all materials who were d'accord, c'est trop. Excellent début de show. Ça va très mal. Je veux pas retarder les gens. Alors, Jean dans le chat, trouvez-nous un joueur. Oh ben, JF, tu peux checker. Check-nous donc. Ça nous prend un joueur numéro 1 et un joueur numéro 56. Oh, je vais juste ajuster mon micro, mon son un peu. Chris Jendrick. Défenseur 2024-2025. Il n'a pas joué pour le Canadien. Ben non, ça ne me dit rien. Non, dis-moi. Alors, coudonc. Hey, on salue Jim dans le chat qui est bien content de nous voir. On remercie Fingercut qui subscribe. Bonsoir, bonsoir. King Nandera est dans la place, as always. Yes. 007 JF. Ok, oui, est là également. Alors, ben coudonc, on va commencer. On va les saluer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. On peut mettre tout ça. Je vais sortir le line-up. Bon retour post-opératoire. Oui, oui. En effet, donc on peut tu voir tu ici. Une bière? Oui, absolument. Ça prend de la bière. J'ai besoin, sinon on va tomber l'air. Ah, moi aussi. Qu'est-ce qu'on a? Je vais me prendre une IPA, là. N-E-I-P-A. Oui, mon grand. Merci beaucoup. Oh, le Beauceron est en place aussi. C'est donc bien le fun, ça. Galgator. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Aucun problème. On part le show tout croche. On commence à parler. Non, faut prendre de la bière. Là. C'est ça. Là. Les priorités aux bonnes places. Ça va nous replacer. Ben oui. Le Beauceron, c'est bien Jérôme. Hein? C'est bien Jérôme. Il me semble que c'est le seul Beauceron qui se nommait comme ça. Ah, ça se peut. Oh, c'est bon. Bon. Donne-moi les essuie-tout rétro-nouveaux qui restent. Toujours plaisant de commencer un show avec les mains gommées de houblon. Ah ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, Jérôme. Donc, hey, salut. J'espère que tout va bien. J'espère que le travail se passe bien, cher ami. Bienvenue chez Papa Cassette. C'est à la bonne franquette. On renverse la bière. Cochonnet à la table. On va mettre des jeux de collection là-dessus tantôt. Il ne restera plus rien. Yeah. Fait que, right. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Ouais, c'est ça. Je me suis fait... La vie est belle, excellent. Oh. Je me suis fait opérer le poignet à main droite, tunnel carpien. Vous connaissez l'histoire. Et puis, ça a été comme la première fois, mais mieux. Ah. La piqûre pour geler a été moins rough. OK. Et puis, l'opération. Mais la rémission a vraiment très bien été. Et puis, mieux que la gauche, là, pour vrai, la gauche, je souffrais le martyr. Puis la droite, je sais pas si c'est parce que dans la vie, je l'utilise plus, fait qu'elle est mieux rodée, tu sais. Mieux rodée, oui. Mais, puis je me suis mis à l'utiliser plus aussi tout de suite en sortant de l'opération. Ouais, plus d'occasion de l'utiliser aussi. Exact, tu sais, exact. Je me forçais à l'utiliser parce que, ben, pas le choix, là, en même temps, là. C'est tough de tout faire de la gauche. Mais je pouvais au moins, avec le bout des doigts, utiliser ma droite, tu sais, pour certaines choses. Alors, bref, ça a bien été. Mais là, c'est ça. Ça a été un peu tough, ma vie, parce que j'ai eu ça. Là, j'étais en convalescence. Je me suis fait opérer. En fait, aussi, mon beau-père, le père de ma conjointe, s'est fait diagnostiquer une tumeur au cerveau. Ouais. Fait que ça, on a su ça un peu avant mon opération. Donc là, lui, il allait se faire opérer pour ça. Alors moi, je me faisais opérer le mercredi matin et ma conjointe quittait pour une semaine, ce même matin-là, pour aller veiller sur son père qui allait se faire opérer. Fait que de mercredi à l'autre mercredi, j'étais tout seul à la maison. En convalescence avec tes deux. En convalescence avec les enfants, pas de char et pas de main droite. Fait que c'est ça qui est ça. Ma blonde est revenue ce mercredi-là et là, j'ai commencé à être pas bien le soir. Tu sais, ça me grattait dans la gorge. Je me disais, d'après moi, je vais avoir un petit rhume, tu sais. Puis là, c'est ça, on a eu un événement ici, là, au magasin, on s'est fait péter à la porte, là. Puis, fait que là, il a fallu que je vienne ici en catastrophe je m'en allais me coucher tout de suite après le hockey. Puis là, parce que je sentais que j'allais être malade. Puis là, finalement, il a fallu que j'embarque sur l'adrénaline, que je vienne ici, les policiers. Le lendemain, les enquêteurs. Fait que là, tant qu'à être ici, t'sais, on travaille, on bat les affaires, les assurances, le gossage. Puis, man, après ça, le vendredi de ça, quand tout ça est redescendu, je suis crashé. Là, j'ai été malade, là, de la grippe, de la fièvre, comme un esti de malade. Puis le lendemain matin, samedi, ma blonde est repartie en bosse pour aller veiller sur son père, puis elle revenait lundi. Fait que là, puis elle a recommencé à travailler mardi. Fait que, man, ça a été de la convalescence, de l'absence de ma conjointe, et puis j'ai été malade comme un chien. Il y a longtemps que j'ai pas été, genre, malade d'une grippe industrielle comme ça. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'étais en dépression sur mon sofa. Ben, mes enfants, ils sont vieux, là, c'est correct. Wow, puis ma blonde, elle nous avait tout organisé ça, la bouffe. Entre deux, elle avait fait l'épicerie, elle avait préparé des repas d'avance, tu sais. Ben, parce que j'avais rien qu'une main aussi, je pouvais pas cuisiner. Fait que bref, elle nous a tout bien organisé. La bouffe n'a pas été un problème, tu sais, mais c'était juste d'être... Plusieurs soupers au ballonné dans le poêle. Ça, ça aurait été le rêve. Mais là, je me suis dit, tant qu'à d'avoir une main en moins puis avoir bien du temps, je vais commencer un RPG. Ouais, et puis, ouais. J'ai fait Sea of Stars, fait que je vais en parler tantôt, ça va être ma critique. Fait que c'est ça. C'est pour ça que j'ai été tranquille. Moi aussi. On a eu effectivement de 4 jours pour Pâques, là. Ouais. Fait que le jeudi soir, quand j'ai fermé mon laptop, là, ça a fait comme... Ah! Genre, je me suis mis à tousser direct quasiment, là. C'est ça, malade. Hein? J'ai pogné le rhume direct après ça, moi aussi. Ah, ouais. C'était pas aussi intense que toi, mais j'ai été 2 jours assez scrap, là. C'est l'adrénaline, tu sais, comme... C'est tout le stress, que genre de vivre du stress très haut tout le temps, à un moment donné, c'est comme... Dès que ça arrête, tout lâche en même temps, on dirait, là. Absolument. On vit une belle vie. C'est tellement pas sain, tout ça. Non, absolument pas, là. Mais, tu sais, j'étais en pyjama la fin de semaine avec ma couverte en polar d'écouter de WrestleMania. Moi, il y a WrestleMania. Moi aussi, puis tu sais, ce qui est cool avec ça, c'est que j'aurais pas payé, tu sais, pour avoir ça. Ouais. Pour l'écouter, je suis pas assez fan, mais là j'ai Netflix, fait que tu sais, tant qu'à avoir rien à faire, je l'ai mis. Puis là, j'étais avec mes 2 enfants, puis la blonde de mon plus vieux était là aussi, puis Chris, on a tout accroché, là. On écoutait ça. Ben, c'est le fun, la lutte, là. Ben oui, c'est le fun. On était un peu sur nos selles, tu sais, puis ouais, nos affaires. Tu parlais sur le Discord de la lutte, là. Oui, j'étais full actif, moi, j'ai compris, Chris, pour une fois, je suis là. Moi aussi, il y a du monde qui parle, cool. mais c'est ça, fait que, tu sais, ils ont pas fait d'argent avec moi. Mais il n'y en aurait pas fait de toute façon. Et je l'ai écouté, puis j'aimais ça. Fait que, tu sais, c'est win quand même, je trouve. C'est win pour eux autres, parce que c'est de la promotion du produit aussi, là. Ben, c'est full ça, là, tu sais. L'auditoire est pas mal plus vaste, là, maintenant, aussi, avec... Ben, moi, j'étais pas là, puis là, j'y suis. Fait que... Plein de monde qui ont vraiment écouté des bouts, parce qu'ils ont vu, « Hey, il y a un show de lutte, genre, sur Netflix, pendant que je regarde quoi écouter en ce moment. » Fait que ça, j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé ça très winner, là, en fait... Il y a une question là-dessus d'ailleurs, tantôt sur la lutte. Sur Instagram, je pense. Ok. Bon, ben, on va pas trop s'attarder là-dessus. Sinon, JF, on avait quelque chose qu'il faut adresser. Oui. Nos amis de chez Qu'Illuminator. Non, Cuminator. Cumilator. Cumilator. Asti, attends. La cave encore. Ben, on a toujours de la cave ici. C'est ça, c'est Cuminator. Cumulator. Cumulator's film, dont t'avais fait une très gratifiante critique de Baby Boomer 2. Ouais. Exact. Alors, ces gens-là, puis... J'avais parlé que j'avais connu cette compagnie-là par le jeu Potato Sack Race Simulator 2024 avec Illy l'année passée au WEG. Oui. Et puis voilà. Là, ils nous ont écrit, imaginez-vous, ces gens-là. Ils disent « Bonjour encore, dans votre podcast sur Baby Boomer 2, vous avez dit en blague qu'il n'y aurait jamais de sortie physique. Vous aviez raison pour Baby Boomer 2 en particulier, mais pas pour Potato Sack Racing Simulator 2024. » Alors, ils nous annoncent que, et j'ai vu aussi sur le site de Limited Run, que ceux qui veulent bien se lancer dans le sac à patates, c'est disponible en... Ah, c'est Limited Run qui va produire ça. C'est Limited Run qui produit ça, wow. Mesdames et messieurs. Bravo! Fait que, voilà. Puis, ils nous ont envoyé une clé, en fait. Ben, toi, t'avais déjà joué. Ouais, j'ai joué, mais je pense qu'il y avait une version de démo, puis je pense qu'on a joué avec la démo, puis Illy, mais ils nous ont envoyé une clé. Je vais mettre sur ma PS5 et je vais faire le jeu complet, là. Exact. Mais, j'aime beaucoup cet univers-là. Ah, c'est un univers complètement fucked up. Alors, c'est très drôle. Fait que c'est Alain et Marie qui sont les gens qui ont le studio. Qui sont à l'écran dans le jeu aussi. Là. Exact, qui sont partout. Fait qu'ils nous ont envoyé un petit code. Alors, toi, tu vas checker ça. Et puis, j'ai envoyé la critique officielle ici. Parfait, ça. Puis, il aimerait bien qu'on en vende ici chez Retro Montréal. Alors, produit québécois. Je dois dire, par contre, que c'est assez niche, merci. Surtout que c'est en PS5 seulement. Et puis, les jeux PS5, ils roulent pas mal moins que les jeux, ouais, comme ouais. Énormément moins que les jeux Switch, du moins ici. Mais cela dit, la bonne nouvelle, c'est que les jeux de Limited Run, on peut les retourner après 6 mois, genre. Fait qu'on va pas en commander 550, là. 500. Mais on va s'en prendre une coupe, un là. Un mur complet. Lancement. Le lancement officiel. Avec des sacs de patates partout dans la place. Ça, ouais. Ça serait malade, quand même. Une vraie course, là, de sacs de patates. Tu gagnes quelque chose. Notre respect. Hein, on pourrait totalement faire ça. On pourrait totalement faire ça. Arrêter de donner nos idées et devenir une firme de publicité genre pour les jeux et les podcasts, je pense. On est trop bons. Non, mais no joke, Alain et Marie, on en fait des lancements de jeux ici, là, tu sais, comme, on avait fait à l'ancien local Panzer Paladin, of course. Infernax, on l'avait fait à l'arcade, par contre. Et puis, il y en avait une couple, Old Time Hockey. Il y en a une couple. C'est magique, là. Mais ici, on venait en faire dans le magasin, là, tu sais. Puis, on l'a fait pour Sea of Stars, puis ça a été un énorme hit. Alors, tu sais, mais là, je veux pas. Ce jeu-là est moins gros que Sea of Stars, on s'entend. Mais quand même, c'est cool, c'est québécois, puis peut-être qu'on pourrait faire un petit lancement funné. Petit power, ouais. Vous venez, puis vous amenez des poches, genre, puis on fait une course, puis le monde gagne de quoi, là. Ça serait faire pas des mal clics sur TikTok avec ça. Des clips TikTok. Clip TikTok. Clip TikTok. Fait que. À réfléchir. On mais s'en là, reparle de jeu, là, ouais. Oui, on s'en reparle. Je load et je joue. Parfait. Puis, si c'est disponible chez Limited Run présentement, ça veut pas dire qu'il est disponible pour les commerçants. OK. C'est pas quand eux autres ils l'annoncent que c'est pour tout le monde. Là. Nous autres, c'est quand nos fournisseurs nous fournissent les listes, puis là, on les voit là-dessus. Fait que je vais demander à mon collègue de surveiller ça, à Joe qui s'occupe de l'approvisionnement. Puis on s'en pognera une couple de copies. Puis si ça vend, si on réussit à le publiciser en masse pour en vendre, ben, tant mieux. Puis si jamais ça vend pas assez, ben on retournera les copies dans 6 mois. Ben ouais. C'est pas plus grave. Ils feront pas une scène là-dessus. Ben écoute, on leur souhaite. Déjà, ils vont sûrement en faire une couple de scènes. Oui. Un beau jeu pour la collection, ça. On avait dit dans la critique de Baby Boomer qu'il ferait probablement pas d'argent assez pour vivre avec ça. Puis ils nous ont répondu que oui, ils vivaient de ça. Fait que ça, c'est très très cool aussi. Là. Exact. Moi, j'aime ça, ce genre d'entrepreneur-là. Ben oui, ils vivent de ça. Ben ils sont là, ils sont dans le chat. Le plus grand lancement des jeux de PS5 de tous les temps. Ah, ils sont là, ben oui. Salut. Fait que ça pourrait très bien faire ça. Ça se pourra. LJ Muzio qui vient de se joindre. Salut Fred. Muzio. D'ailleurs, si vous voulez voir de quoi de différent, Fred essaie de quoi de nouveau sur son channel. Il joue au bloc Lego. Ah oui! Oui, donc c'est les briques quelque chose. Là, les briques magiques, pardon. Les briques magiques, c'est quelque chose de même. Alors, je ne l'ai pas écouté, mais j'aimais beaucoup l'idée. Alors, si vous êtes des amateurs de Lego, et Dieu sait que je commence à me retenir à deux mains pour ne pas m'acheter des Lego de l'espace. Entre deux briques, ok. Fait que, en tout cas, j'essaie. Les briques pompettes. Ah, ouais. Puis, voilà. Donc, il y en a pour. Ouais, c'est sur le hub, il y a un gros channel de Lego aussi. Là. Ah, il y a un channel Lego, ouais. Il y a tout sur le hub. Il y a tout, certainement. Tout est là. J'y retourne, moi, en fait. Hein. Le hub, c'est sur Discord, en fait. Et puis, c'est Fred qui l'a créé. Puis, c'est un gros Discord avec un channel pour toutes les passions existantes. Ouais. Et puis, moi, j'ai tout muté. Sauf trouvailles de collection, jeux rétro, politique et dépression. Et j'ai muté la lutte, là, mais il n'y en a pas assez souvent là, que je veux. Moi, j'ai muté Discord. Ah ouais, encore. À moins que quelqu'un m'écrit un message privé, je vais le recevoir, mais sinon, quand j'ai le temps. Non, mais moi, l'application est toujours fermée. Là, ouais, mais ben, quand je l'ouvre, c'est les channels qui m'intéressent. C'est Papa Cassette, bien sûr. Tu les as cachés, tu veux dire? Ou... OK. Ben, tu peux muter les channels. Ouais. Fait que quand, moi, quand j'ouvre Discord, il n'y a que ces channels-là c'est ça, okay. dans toutes. Moi, je les vois toutes, mais j'ai pas de notification sur mon téléphone. C'est plus ça que je voulais dire. Ah ouais, non, moi non plus. Là, par sinon, contre, je virais fou. Là. Non, non, c'est trop. Parce que ça jase beaucoup le monde là-dedans. Ouais, ben c'est le fun. Tout le monde est cool, il n'y a pas de chicane. C'est une oui, gang c'est de, ça, de, tout le monde est cool. Là. Ah ben, puis la soirée du podcast aussi. La soirée du podcast est là, là, on est actif pendant les playoffs, tout le monde chiale contre l'aîné, c'est parfait. Ah ouais, c'est super. Pendant les games aussi, c'est le monde jase. Moi, c'est ça que j'aime. Ça commence à pogner, fait que c'est ça que je voulais que ça se passe de ce channel-là. Si les playoffs incitent à faire ça, c'est parfait. Là. Ouais. Même Alex de LSDP qui est rendu dans le Discord, là, qui est venu, là, fait que c'est parfait. Ben oui. Non, c'est parfait pour écouter le hockey, avoir la gang qui l'écoute en même temps que toi et qui disent. Il y a eu un enregistrement vendredi passé de la soirée du podcast. D'ailleurs, notre épisode d'entrée en playoff. Ah, c'était entre les deux. Là. Ça a fini le mercredi, on a enregistré le vendredi. On était très contents. Parfait timing. Hein? Ouais. Mm. Ben, excellent ça. Fait que allez voir ça, mesdames et messieurs. Et puis, ben c'est tout. Hein? Ah, ben. Aussi, je pense que depuis le dernier show, j'ai fait ma fameuse publication pour annoncer que je ne suis plus actionnaire de Arcade MTL. Puis j'avais mentionné que j'allais faire un épisode spécial. Mais là, comme j'ai dit tantôt, j'étais comme ben trop sur le carreau pour faire ça. Et je dois dire que on dirait que j'ai comme putain envie d'en parler, tu sais. Peut-être un post, puis c'est peut-être assez. Ben, le post, il est assez garni, là, tu sais. Comme, je veux dire, si j'ai d'autres choses à rajouter par rapport à ça, ça va être beaucoup de, genre, on avait des souvenirs et... Mais j'ai pas grand-chose de plus à annoncer sur le fonctionnement, puis je veux pas révéler les chiffres ou les affaires et tout ça. Ouais. Mais bref, c'est ça. Peut-être que, genre, je vais pas en parler ici aujourd'hui, là, mais... En tout cas, sachez que je vais peut-être faire un épisode tout seul à un moment donné pour en parler. Mais non seulement j'étais malade, mais j'avais comme envie de prendre une pause. Ouais, ben tu faut faire une coupure aussi maintenant. Ouais, faut que je fasse une coupure. Puis ça a été, tu sais, là, il y a se rendre jusqu'à la vente des actions. Puis après ça, on a eu une dernière soirée ouais, une belle à l'arcade. Soirée. J'étais là. C'était une belle soirée, mais en même temps, tu sais, mon partenaire était là. Puis il n'y a pas eu de chicane, là. Mais j'avais comme plus envie de. Tu sais, j'essayais de me détacher. Puis là, je replongeais. Fait que, tu sais, j'ai besoin d'un détachement. Ouais, fait que tu détaches, mais tu retournes à la place de laquelle tu essaies de te détacher. Exact, tu sais. Puis, fait que j'avais pas envie pendant tout, là, tu sais. Ouais. Donc, si on sortait, la gang, puis tout, j'aurais pas envie d'aller à l'arcade présentement, là, faire un tour, là, tu sais. Ouais. Dans ce jeu, la movie. Avec mon t-shirt d'arcade MTL, mais ça, c'est pas jeu. Non, mais j'encourage la place, là, quand même. C'est une très belle place. Of course, là. C'est ma place à base, là, tu sais. Fait que j'encourage. On a même pas schmoppé, en plus. On devait schmopper. Moi, j'ai fini comme 4 schmopp tout seul dans mon coin. Ah ouais, moi, j'ai fait Castlevania, c'est à Red Tent, là. Moi, j'ai essayé c'est à Red Tent, puis j'étais pourri à Castlevania. Moi, c'est mon plaisir, ça, quand je vais à l'arcade, faire Castlevania, c'est à Red Tent. Fait que je veux pas m'étaler plus longtemps que ça là-dessus. J'en reparlerai peut-être plus officiellement, éventuellement, mais pas pour là, parce que j'en avais pas envie. Mais ça aussi, ça a été de quoi de gros dans ma vie cette année. Voilà. Ben occupé. Non, belle soirée, par exemple, à l'arcade. C'était bien plaisant. Je suis parti à l'italienne ou à la grecque, je sais pas quoi, là. C'est-à-dire que t'as décollissé sans le dire à ouais, personne. Ouais, ben, ça tournait un peu. J'allais dehors prendre l'air, puis je fais, faut que je m'en aille chez nous, moi, là. J'ai bu beaucoup trop de gin tonic dans ce soir, puis je suis parti. Ouais, c'est ça, là, avant de l'échapper un peu plus. J'ai échappé déjà tout seul pas mal. J'étais essayé Schmop, puis sur Miss Pac-Man, let's go. Là, puis, ouais. Ben, ouais. Très belle soirée, par contre. Je me suis pas acheté d'Atari plus dans le métro en venant. Quel dommage. Ok, t'étais venu en transport en commun. Oui. Ok. J'avais prévu le coup. Ouais, c'est bon, ça, en effet. Ah, puis t'es fini d'un Doritos chez vous. Exact, d'un puis dans le gros gin encore. Je remercie d'ailleurs Monsieur Neveu qui a fait shipper des Doritos pour la soirée du podcast chez nous. Un gros mix oui, pack j'ai entendu incroyable. Ça, j'étais full jaloux. Là, on ouvre ça, puis il y a plein de sortes différentes, puis on capotait. Là. Ah ouais, monseigneur, quel homme. Quel homme. Fourni Doritos pour les playoffs. Il vient en express de la Verlechère chez moi. Ouais. Pour les playoffs. Ah ouais, c'est beau ça. On le remercie. Il va m'arrêter pour l'année prochaine, d'après moi, parce que les playoffs ont pas l'air de vouloir aller très très loin. Mais... On les finira au Garden Party ou oui. Quelque chose. Fait que, ben écoute, on va aller en collection. Collection. J'ai mis le panneau à une meilleure place. C'est ça? Ah ouais, meilleure place sur le board? Ouais, je peux y aller direct. Excellent. Fait que là, on a de quoi de nouveau, Jeff? On a monté. Tu t'es dit que ça serait bon de mettre du gameplay, des jeux qu'on présente en collection. Alors, on va commencer. J'ai 3 jeux Switch, puis après, j'ai une affaire weird. Ouais. Et puis, on commence avec Atari Mania. Parle-moi d'une drôle affaire, ça, à 55$. Ça, c'est 55$ neuf, quand tu l'achètes, nœud. Nœud. Mais moi, je l'ai pogné. Use ici, on en a fait le rachat ici chez Retro MTL. Puis quand j'ai vu ça dans nos bacs de rachat, je me suis dit, hey! J'osais comme pas me le pogner neuf, tu sais, même si j'aime bien Atari. Mais dans le use, je vais l'essayer, je pense. Mais notre ami Eric Hébert me l'avait montré un peu au WEG, puis ça semblait. Tu sais, c'est une drôle d'affaire. Ouais, ouais, ouais. Mais ça semblait plus prometteur que je pensais. Exact. Fait que c'est comme un genre de jeu multijeu qui mélange plein d'affaires de l'univers Atari. Okay. T'sais, tous les jeux, Sword Quest, Crystal Castle, fucking Breakout, Missile Command, Centipede. Ils ont fait un jeu de mini-jeu weird, okay. Pas si beau, mais pas si laid. Avec tout le lore de Atari, tu sais. Okay. Puis là, on voit le petit bonhomme qui rentre chez Atari. Fait que je pense que tout se passe dedans la bâtisse. Comme là, on voit un mélange de Outlook et Sword Quest. Ça, c'est Dodgem. Ça, c'est Crystal Castle. Ça, c'est Haunted House. Avec les yeux. Ça, je me rappelle pas ce que c'est ça. Ah ouais, les ballons. Wow. Yars Revenge, of course. Ouais. Fait que c'est plein de mini-jeux comme ça. Ça, c'est Adventure. Donc, il y a du stock là-dedans, mes amis. Je vais l'essayer. Je suis content de l'avoir. Et puis, voilà. Il explique pas en arrière c'est quoi les jeux non plus. Oups. Alors, dans le chat, s'il y en a qui ont joué à ça, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Prochain jeu, c'est Alice. C'est Alice. Il s'agit de Neva qui est sorti... C'est, Jim dit c'est bien hot avec du gameplay. Ouais, c'est cool, hein? Fait que ça fait changement. Et puis Neva, ça, c'est le deuxième jeu de les gens qui ont fait gris. Waouh, oui, ça look gris. Ça look gris. Tu l'as-tu fait, toi, gris? Non, mais j'ai vu les gameplays de ça, mais j'ai pas joué à gris. Je pense que j'en avais parlé à Retro Nouveau aussi, il me semble. Je m'appelle d'en avoir entendu parler, oui, effectivement. Là. Ouais. Fait que ça, c'est des jeux. Devolver! C'est, c'est très, très, très atmosphérique. Animation, c'est absolument magnifique. Puis, il me semble, je pense, dans gris, on pouvait pas mourir ou quelque chose de même. Mais voyez, là, de quoi ça a l'air à l'écran. Là, c'est juste très beau. Et Neva semble être notre petit loup, là, notre petit loup blanc là, qui grossit avec le temps. Okay. J'aime beaucoup sa pochette qui soit rendue une grosse tabarnak d'affaires en arrière de toi. J'aime ça, moi. As-tu écouté Game of Thrones? Non. OK. Bon, les Stark, en tout cas, eux autres, ils vivent dans le nord, là, puis tout, puis ils ont des loups. Ouais, puis, c'est ça, chez je trouve ça fucking badass comme quand t'as un loup qui t'accompagne, un hostile loup géant qui t'accompagne pour aller donner c'est de la marde. Même, c'est ça, tu sais, ça rajoute tellement. Fait que voilà, donc c'est disponible chez Retro MTL. C'est très beau, pour vrai. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. T'as-tu joué? J'ai pas joué encore. Okay. Il est neuf. Nœud. Mais 45$, c'est pas cher. C'est pas. Ben, gris, c'était pas un long jeu. Comme je dis, c'est une expérience. Mais il y a quand même plus de jeux là-dedans que dans, mettons, Hoa, que j'ai que j'en ai parlé dernièrement sur l'excellent groupe Fenir des cassettes. Mais c'est ça. Vous allez vivre quelque chose avec ça. Ça va être très émotif, ça va être beau, ça va être plaisant. C'est genre atmosphérique, beaucoup probablement aussi. Là. Ouais, à tonne. Ça look atmosphérique, ouais. Fait que pour 45$, là, je trouve que c'est une. C'est un bel item. C'est des jeux très respectables à avoir dans votre collection. Et puis, c'est quand même le fun. Je vais me prendre une petite gorgée là, pendant que je regarde ce qui se passe en jeu. Jim qui dit que c'est hot avec du gameplay. Merci beaucoup, Jim. Oui, oui. C'était pas tant de travail de plus que ça, puis c'est le fun, je trouve. Ben oui, moi, j'aime beaucoup ça. Voilà. Troisième jeu et dernier jeu de Switch pour ce soir. Ça aussi, c'est beau. Beyond Ice Palace 2. Alors là, tu te dis, hein, il y a un de ça. Et oui, mesdames et messieurs, c'est un jeu de Amiga à CPC Amstrad. Ah ouais. C'est un vieux. C'est un vieux jeu. Vieux, vieux crise de jeu d'ordinateur, le 1. Puis ça n'a pas de l'air de ça, pantoute. J'imagine bien. Mais c'est un genre de jeu de plateforme-ish, là, mais c'est vieux, là. C'est hyper vieux. Puis qu'est-ce qu'ils ont pris à ces gens-là de faire un 2 comme maintenant? Ils ont réussi à avoir la licence. Ça, je comprends pas. Quelqu'un a acheté une licence quelque part, genre, hey, ça, c'est disponible. Je comprends pas. Ben, tu sais, en même temps, je connais pas beaucoup ça, les vieux jeux de PC, mais j'arrive pas à croire que, comme du monde, ont fait l'effort de faire un 2. Ouais, ouais. De cette affaire-là. Je suis présentement en train d'y jouer, et je dois dire. vous allez être un petit peu... j'aime pas utiliser le terme « berné », là. Mais c'est pas aussi tight qu'on se l'imaginerait. Tu regardes ça, c'est comme « wow, t'sais, parfait game. Ouais, ouais, c'est très Castlevania quand tu regardes le gameplay. Ouais, effectivement. Là. C'est, puis ça joue de Castlevania aussi, là, vraiment. Mais c'est pas parfaitement ça coche. Là. Puis graphiquement, c'est plus beau à l'écran présentement que je trouve que ça l'est en vrai. Ah ouais? Okay. Ouais. Mais il y a des checkpoints, il y a des shops pour t'acheter des upgrades. C'est pas bien beau, il y a des checkpoints. Non, mais je veux dire, il y a tout ce qu'il faut. Là, ouais. Comme c'est des niveaux, mais un peu Metroidvania, I guess, parce que j'ai vu des portes que je peux revenir, mais c'est pas full-on Metroidvania. Okay. Là. C'est quand même linéaire, mais tu peux revenir un petit peu. Okay. Beaucoup d'upgrades à acheter, donc il me semble avoir du temps de jeu à mettre là-dedans. Comme je dis, c'est pas tight. Mais c'est pas assez peut-être pour pas apprécier. Okay. Donc j'apprécie jouer à ça présentement, puis c'est clair que je vais le faire au complet là. Et puis j'aime ça malgré tout. Ouais. Ça mériterait d'être un petit peu plus peaufiné. Mais bref, 45 tomates aussi pour vous procurer ce jeu intriguant ma foi, mais quand même agréable à jouer. Disponible chez Retro MTL également. Je pense qu'il en reste juste une copie sur Switch. Il en reste peut-être même une sur PS5. Et mes amis, vous aurez jamais vu la PS5 à être aussi sous-utilisée au niveau du power que pour jouer à ce jeu-là. Mais l'important, c'est la tablette. Alors, ben oui. Si vous collectionnez la PS5, ben c'est quand même nice. Donc, voilà. Domaine qui demande combien le jeu Atari, c'était 55, hein, tantôt? C'était 9, c'est 55$. Tiens, on doit le mettre. Mais, 55 tomates. Ça, il n'y en a pas chez Retro MTL présentement. On avait juste commandé une copie à l'époque et puis ça a pris un peu de temps avant qu'elle parte. Fait que c'est un peu un guess, mais... En retail, c'est 55$. Mais si vous voulez qu'on en achète, on va en acheter. Ouais, si vous les achetez, on va en acheter. Pas de la place, il y a quelque chose de gros qui s'en vient sur la table. Là. Tellement gros qu'on n'a pas le prix à l'écran parce que ça rentre pas. Là. Puis là, j'allais faire une joke très... très vulgaire. Vulgaire, là, mais bon, on dirait pas que c'est bon. Ouais, je... Alors. Garde tes pantalons. Alors, ouais. Je vais juste le mettre straight sur la table. Ouais, vas-y. Je vais l'expliquer après. Straight pipe, là. Il y a quelque chose de très gros qui s'en vient ici, là, mesdames et messieurs, qui est off-cam, qui... Dom le prend deux mains pour pas le casser parce que c'est ouais, ben ça pèse 100 livres. Ça pèse au moins 100 livres si c'est pas 100 kilos. Voilà. Je vais passer ma bière. Hein? C'est pas beau ça? ça. Tu peux monter ton micro, mais ouais. Ça. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est je vais monter mon micro de main. Alors, il y a quelques années, chers amis, j'ai acheté de quelqu'un de gentil, un collectionneur de Rimouski, le bon Éric Bonenfant. J'y ai acheté trois choses. J'y ai acheté deux visuels grand format de Bayou Billy et de Castlevania 3. Okay. Donc les covers, les illustrations de Tom Dubois, des reprints que j'ai fait encadrer et que j'ai mis dans ma game room. J'ai tout présenté ça sur Facebook et Instagram à l'époque. Ouais. Et la troisième chose que j'ai acheté, c'est un backlit de la pinball de Super Mario Bros. Okay, Mushroom World. Wow, ouais. Fait que ça ici, cette image-là, c'est... Ben, tout ça, c'est comme un... C'est le board qui est en avant. Ça vient comme un board en de pinball. En haut du playfield. Exact. Mais moi, tout ce que j'avais, c'est le plastique avec l'illustration de dessus enroulé comme un poster. OK. Puis je me suis dit, faut que je trouve un encadreur un jour, quelqu'un qui va me faire une boîte, tu sais. Hey, c'est beau. Puis là, des années plus tard, il y a quelqu'un qui est venu ici chez Retro MTL avec des marquis d'arcade dans des boîtes en bois comme ça, qui allume, puis il a dit, moi, je fais ça, tu sais. Puis, pouvez-vous en vendre? Là, j'ai dit non, parce que tu ne tiens pas les droits de ces affaires-là. Fait qu'en tant que commerçant, on ne peut pas les vendre, tu sais. Mais j'ai dit, par contre, moi, je possède une vraie affaire de pinball. Peux-tu me faire une boîte? Fait qu'il m'en a fait une. Donc, ça, c'est ma demande. Je voulais qu'elle soit pas trop épaisse. Et puis, ça s'allume, attends un peu. Wow! Hein? Hey, c'est magnifique, ça. C'est magnifique, n'est-ce pas? Là, par contre, on voit des lignes verticales. C'est du LED avec une batterie. Ouais, ouais. Puis j'ai une télécommande. Et puis, il m'a mis une corde en arrière. C'est comme un cadre. Fait que je peux mettre ça sur le mur. Mais j'aurais aimé qu'il rajoute peut-être des strips de plus. Là, parce qu'on voit que ça fait des lignes noires, hein, verticales. On le voit. Ouais, un peu. En vrai, c'est moins flagrant que quand on le filme. Ouais, non, c'est vrai. En vrai, ça paraît pas mais, tant. Ouais. Mais c'est ça. Alors, je suis très, très, très satisfait de tout ça. On peut montrer en arrière. Fait que c'est à peu près à peine même. C'est haut de même. C'est à peine grand même. De même. Fait que là, il m'a mis une belle corde comme ça pour l'accrocher au mur. Tout ça est dans le bois. Alors, c'est absolument magnifique. C'est très gros, hein? c'est fait très, très gros. Plus gros que je pensais. Donc, je vais mettre ça dans mon sous-sol, là, quelque part. Mon sous-sol qui est présentement un bordel total parce que je l'ai reviré de bord. Puis là, mon gars, il a mis un but dans le sous-sol, il joue au hockey. Ouais. Fait que je vais juste comme colisser ça à quelque part puis attendre que mon sous-sol reprenne une meilleure forme. Et puis, voilà. Puis, mais je vais faire une publication sur mes médias sociaux pour annoncer et présenter ça officiellement. On demande le nom de la personne qui t'a fait ça. Oui, la personne s'appelle Raphaël Monpetit. Et puis, son email, c'est raphaelmonpetit@gmail.com. Ah, si vous voulez contacter. Et puis, vous n'avez pas besoin de posséder un du art, là. Tu sais, dans le fond, lui, il en pogne sur Internet puis il fait ce que tu veux. Ouais, mais moi, j'aimais bien que ça soit ma vraie affaire. Ouais, ça, c'est cool. Là. Mais ce qu'il a fait, comme ce qu'il a amené ici en magasin, il y avait un marqué de Double Dragon puis il y en avait un de Donkey Kong, là, genre. Puis c'était vraiment beau, là. Ouais, pour vrai, là. Puis. C'est environ de l'original, mais ouais. C'est environ 250$. 300$ peut-être qu'il va faire des 200-300$. 250-300$ à peu près, à ce que je comprends. Alors voilà. Donc très, très, très satisfait de finalement avoir ça. Et puis, magnifique. Ça va être difficile de ne pas être en constante érection Mais ça, c'est... dans mon sous-sol avec ça sur le mur, n'est-ce pas? Déjà que depuis qu'on a vu Demidov arriver à Montréal, on est déjà tout le temps croquant pas mal. Bon, je vais juste remettre ça dans le coin. Alors que Dom s'en va remettre tout ça là-bas et qu'on reprend l'éclairage ici. On encourage le local, ben oui, évidemment. Toujours une bonne chose d'encourager le local. Exact. Oups. Ben voilà. Et voilà. Il aurait pu le faire avec un fil aussi, mais à ma demande, je préférais avec batterie, là, parce que je savais pas exactement où j'allais le mettre encore. Mais avec un fil, c'est quand même efficace. Là. Puis, le gars, il est bien habile en électricité aussi, alors c'est pas un problème. C'est tristé. Avec l'électricité. Voilà. Câline, on... Ça roule. On est brûlé puis ça roule. L'estricité, ouais. L'estricité. Fait que that's it pour la collection. Ouais. Fait qu'on serait rendu à la seule critique de la soirée. Je suis mêlé dans mes affaires. Je vais aller voir si c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Yes, j'ai... Ah, voilà. Et voilà. Ça, c'est parfaitement aligné, ça. J'ai fait un vertical align sur le frame. Là. J'ai... Ah non, quand je comprends ce qu'il faut faire, je suis capable de le faire. Je sais. Bizarrement, très difficile de trouver une image de la pochette de Sea of Stars en bonne qualité sans avoir genre le ESPN dans le bas ou genre le... Ah ouais, hein, c'est vrai ça. En effet. Mais non, c'est parfait ça. Alors voilà. Oui, je vais faire la critique de Sea of Stars développée par Sabotage Studio dans la ville de Québec et publiée par eux-mêmes également et c'est disponible sur toutes. Tel que stipulé à l'écran pour répondre à Max Geeks 90 dans le c'est chat. C'est les vraies informations. C'est des vraies, de vraies, vraies, vraies informations. Prises sur Wikipédia. Exact. Oui, c'est vraiment ça. J'imagine. Ben, en fait, je n'étais pas trop sûr pour publier là, parce que le publisher, je ne l'ai pas tant trouvé, tu sais, mais il me semble que c'est ça. En tout cas, mais ils sont bons, là. Ils font tout, eux. Ouais, on les aime beaucoup. On les adore. D'ailleurs, on a fait le lancement physique de Sea of Stars ici chez Retro MTL l'été passé. Ça a été un gros, gros, gros hit. Il y a eu plein de monde. Wow. J'en avais parlé. Et puis, ça me fait penser, Jeff, j'ai oublié de écrire dans le document la Switch 2. Ah, on va en parler après. On va en parler après la critique. Ça a été malade. Ça a vraiment été une très belle journée. Je les remercie encore. Puis, ils ont été super généreux. Puis, ils nous ont renvoyé après ça une autre boîte de goodies pour l'équipe. Donc, vraiment très généreux. Par contre, je n'avais pas joué, tu sais. Ouais. Puis, nous autres, c'était le lancement physique. Enfin, le jeu était déjà sorti en digital, numérique. On s'est fait reprendre. Ah. C'est ça. On s'est fait reprendre sur YouTube. Par qui? Quelqu'un là, qui nous veut du bien. Je le souhaite. Donc, faut pas dire un jeu digital. Faudrait dire un jeu en version numérique. Probablement selon la personne. Faudrait faire des recherches avec l'Office de langue française. Ah, c'est ça. Hein. C'est avant de se faire cancel qu'on est boss de Montréal. J'étais chez le vétérinaire tantôt là, pour acheter des médicaments mon chat, puis il y avait une pancarte genre « En série, go Abisgo! » Je suis comme « Cancel! » Voyons! Rien que pour finir la parenthèse avec ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'ici à Montréal, sur les autobus qui ne sont pas en service, ou même ceux-là qui sont en service, les chauffeurs s'amusent à écrire des affaires, là, des fois, ou la genre, STM. Go Habs Go. Go Habs Go. Quand il se passe un événement, tu sais, là, le Canadien est en série, fait qu'ils ont écrit Go Habs Go. Et puis, là, il y a quelqu'un qui aurait porté plainte. Et là, ben, ça a mis la STM dans l'eau chaude parce que la STM se doit d'être en français partout, tu sais. Mais là, c'est pas sur le boss. Go, c'est vraiment en anglais? Genre, comme... Ben, ou c'est-tu Habs le problème? Hey, t'sais? Chris, là, c'est notre équipe. Voyons, là. Non, mais c'est ça. À quel point vous avez du temps à perdre, là? Moi, je suis pour la défense de la langue française, ouais, aussi, of course, et puis je suis souverainiste à côté. Par contre, des affaires de même, ça, c'est inutile. Ça me sur soi, ça plaît là, puis tu m'appelles dans les poubelles. Ça met les Anglais en tabarnak contre. Nous autres qui s'imaginent qu'on les haït. Ils s'imaginent encore plus qu'on les haït. Juste pas de la main ils vont rien, encore là. Plus nous traiter de racistes parce que ça, c'est trop extrême comme intervention, tu sais. Ben oui. C'est comme quand la gauche est trop intense, ben ça met la droite en tabarnak. C'est pour ça qu'il y a un mouvement de la droite et vice-versa. Quand tu balances trop dans un extrême, un ça jugement, met l'autre côté en crise puis ça aide zéro la cause, là. Il y en aura plein des plaintes qui n'ont pas de sens, mais c'est un manque de jugement de procéder avec cette plainte-là, là, aussi. Exact, exact. Tu sais, comme les institutions en français, pas de religion, tu sais, fine. Ouais, oui. Mais tu sais, comme c'est le. C'est sur l'autobus, t'es un petit peu un affichage de quelque chose. Genre, non, non, c'est ça, c'est pas un affichage officiel, tu sais, corporatif. Allez, là, les habitants. Mais cela dit, il y a des Anglais aussi dans la ville, là, puis c'est pas grave, là, s'il y a un Go Habs Go là, qui passe, là. Voyons donc. C'est une ville bilingue ici. Puis tout le monde sait c'est quoi que ça veut dire Go Habs Go, là, tu sais. Fait que là, quand on ma mère, Canadien, elle sait pas c'est quoi un Habs, là, mais elle sait que Go Habs Go, ça veut dire Canadien. Si on va au Centre Bell, faut-tu plus crier Go Habs Go, faut crier aller les Canadiens ou je sais. Idéalement, faudrait, mais bon. En tout cas, on passe du gameplay. Aïe, aïe, aïe. Donc, Sea of Stars, pendant ma convalescence, c'est un RPG qui ressemble à... qui est vachement inspiré que de Chrono Trigger. Ouais, là, ça look, hein? Ça look énormément. Et puis... c'est ça, moi je fais jamais d'un RPG, ben c'est trop long, mais là j'avais le temps. Puis j'ai mis un bon 35 heures là-dedans. Ah, là. Cool. Fait que c'est quand même beaucoup de temps. Je l'ai fait au complet. Il y a une mauvaise fin et une bonne fin. Puis quand tu finis avec la mauvaise fin, le jeu il te dit check, tu vois-tu cette affaire-là? Ouais. Tu devrais aller voir ça. OK. Puis là, le jeu t'indique genre les choses que t'as pas faites puis que tu devrais faire, puis tu devines que ça va te donner la meilleure fin, tu sais. Donc, ça, c'est pas... Il faut pas gosser, au moins. Il faut pas gosser, puis c'est pas un grand secret. Puis il te donne des outils, tu sais, pour quand même être capable de trouver ces affaires-là. Mais bref, je veux juste revenir au début pour expliquer ce que c'est. Moi, moi j'ai trouvé que c'était une inspiration de Chrono Trigger, mais aussi Secret of Mana, au sens que c'est pas les personnages, comme tu les vois présentement, ils courent ensemble et tout ça, mais ils attaquent pas. OK. Comme ça. Dans Secret of Mana, en Overworld, t'attaques, tu sais. Puis, mais ça, c'est du tour par tour. Okay, okay. Donc, c'est ça. Mais tu peux intervenir quand même. Ce qu'il y a d'intéressant quand t'es en over de même, quand t'es pas en combat, finalement, tu peux sauter ou t'accrocher à des corniches. T'as un grappin. Tu peux faire du vent. Et puis, tout ça rajoute... Ouais, là, ils brassent les buissons. Tu peux interagir avec l'environnement, ce que je vois aussi. Exact. Tout okay. ça. Puis, avec ça, ils te font des petits puzzles aussi. Des fois, poussent des blocs pour faire ci, pour faire ça. Donc, ça rajoute beaucoup, ça, à ce que... T'es pas tout le temps rien qu'en train de te battre. Ouais. Des fois, tu résous des petits mystères de puzzle over. De puzzle, tu sais, sous cette forme-là. Fait, au niveau des attaques, comme je disais, c'est du tour par tour. T'as l'attaque de base, t'as un skill. Tout le monde a des skills par rapport au type de personnage que tu utilises. Et puis, ça prend de la magie. Et cette magie-là se refoule elle-même quand tu fais des attaques, t'sais, où tu peux prendre des items pour la remplir. Et tu as des combos aussi qui se font à force de faire de la magie, justement. Ouais. Ou de faire des bonnes attaques ou des bons counters. Parce que si un monstre te frappe, tu peux peser au bon moment, puis il va faire un bloc ton bonhomme. Okay. Fait qu'il prend moins de dommages, puis ça booste ta jauge de combos. Fait que des combos à une case, à un, à deux ou à trois. Okay. Fait que trois, c'est des gros combos. T'as aussi des ultimate attack combo qui sont des ultimate qui sont absolument magnifiques là. Chaque personnage en a une, fait que ça c'est cool. J'ai oublié de parler de l'histoire très très vite. Les deux personnages principaux sont un petit gars du soleil puis une petite fille de la lune. C'est des solstice warriors. Eux autres ils sont apparus jour de solstice et puis leur devoir c'est de devenir des guerriers solstice et puis de résoudre la merde. simple de même. Puis le bonhomme, là, le petit gros là, qui se promène, ça, ouais. C'est leur ami d'enfance. Fait okay. Ce personnage-là est très important là, dans toute l'histoire. Là. Fait que c'est ça. J'en dirai pas vraiment plus. Ils partent ensemble. Ben, il y a des méchants. Puis ils rencontrent du monde. Puis du monde devient ami. Puis ils les aident. Fait qu'il y a quelques personnages très variés quand même qui se joignent. Chacun a ses skills et sa personnalité. Ils sont tous très différents les uns des autres. Ce qui rajoute énormément. Et puis, c'est, ma foi, visuellement absolument sublime. Ah, c'est très beau. C'est tellement beau, là. C'est tellement peaufiné. C'est absolument incroyable. Et puis, la musique est insane. Là. OK. C'est bon, là. Puis, c'est fait in-house, à ce que j'ai vu. C'est un gars du studio. Ils ont un gars in-house là, qui a travaillé là-dessus. Et ils ont fait venir aussi la personne qui a travaillé sur le soundtrack de Chrono Trigger. Ah, wow! Qui est venu aider, okay. Qui est venu contribuer à cette soundtrack-là. Ah, c'est bon, mais hot. C'est absolument hot. Et puis, ma toune préférée est celle du boss fight. Là. Quand tu pognes un boss, là, man, cette toune-là est tellement, tellement hot. Je capote. Si je l'écoute, j'en ai des frissons. Et puis, t'as un peu de tout. Là. C'est une map avec plusieurs îles à explorer. Sur chaque île, bon, il y a plusieurs niveaux, si je peux dire. Il y a des villages. Parler à tout le monde, c'est bien important. Tu pêches aussi dans ce jeu-là. Sur chaque île, il y a des lacs pour pêcher. Et puis, t'as beaucoup aussi, bien sûr, il faut que j'en parle, il y a de la cuisine. Donc, tu cuisines, tu ramasses. Quand tu marches, tu te promènes, tu peux ramasser du blé, des champignons, okay, ouais. Tout ce qui pousse. Puis avec ces ingrédients-là, tu les cooks au save point. Et puis, ça te donne des items de life ou qui te redonnent de la life ou de la magie. T'as toujours un livre de recettes, puis dépendamment de ce que tu coupes, t'as différentes affaires. Oui, ou c'est, exact. C'est t'as toutes sortes de recettes. Et puis, les gars sont allés all-in avec la poutine. Ah, et cool. Puis, c'est le pudding chômeur. Mais c'est un jeu qui est traduit en québécois, ça aussi. Exactement, ça? Exactement. Puis, moi, j'ai joué en québécois. Le Sabotage, ils ont fait leur premier jeu, c'était The Messenger. Ouais. Et puis, il y avait, bien sûr, la version québécoise, le texte en québécois. Puis, ils l'ont fait pour ça aussi. Puis moi, je trouve que, tu sais, bon, un jeu d'action comme Messenger, c'est une chose, là, pas tant de dialogue, même s'il y en a quand même pas pire pour un jeu d'action. Mais ça, j'avais peur que ça, je sais pas, ça enlève un peu de noblesse au style, tu sais. C'est pas très chevalier héroïque, là, de parler en tout croche de québécois, tu sais. Mais non, ça marche au bout, finalement, là. Ben, les jokes, là, puis les références. Il y a plein de jokes de Pérusse là-dedans, c'est man. Puis plein d'affaires du lore du Québec, tu sais. Des affaires tordantes. Pis, t'as pas aussi une affaire à la maison du spaghetti. Le manoir du spaghetti. Je sais pas ce que c'est. Ben là, le monde a répondu dans le chat que c'est une affaire à Trois-Rivières. Ouais, il y en avait aussi à Québec. Fait que tu vois que les gars, ils font du lore de leur patelin. Là, ça, c'est vraiment très hot. Puis il y en a tellement du lore. Puis juste des termes, comme l'ennemi, il y a une attaque en fait qui heal son ami ennemi, là, tu sais. Okay. Ça s'appelle, mettons, Becky Bobo. Tu sais, comme des niaiseries de même, moi, je trouve ça tordant. Ah, il y a un personnage qui s'appelle Malco Mod. Et puis, il y a un bonhomme lutteur que je pense une de ses attaques, j'ai pas le temps de le lire parce que ça va trop vite, c'est genre coup de strap sur le Jack of the Trap, tu sais, parce que dans Pérus, ils disent ça, là. Ouais. C'est le Jack of the Trap de qui? Zadbit. Fait que plein de styles d'affaires de même. C'est drôle, là. Ah, c'est bon. Mais je l'ai pas fait dans les autres langues, mais j'imagine que c'est autant rempli de bonne humeur et de gags. Là, des gags genre plus génériques des autres langues, mais nous autres, c'est tellement niché aussi qu'il y a juste au Québec. Il y a un niveau de plus, mais je pense qu'il y a beaucoup de jokes quand même dans la version originale. Je présume que. Et puis, donc, tout ça est tordant, mais aussi, il y a des passages très touchant. Là. Je te dis, j'ai versé une larme. Là, bon. À un moment donné, là, j'étais comme « Wow, c'est venu me chercher. » Qu'est-ce qu'ils disent dans Tony Biz? Les chevaliers de Colomb, ça compte comme des chevaliers québécois. Ah là, c'est très drôle. Mais bref, j'ai vécu, man, des émotions, là, tu sais, des vrais, là, comme des vrais de vrais. J'étais « Wow! » T'as eu de l'attachement au personnage, puis à l'histoire. Quand j'ai fini le jeu, là, j'ai vécu comme une période de deuil, là, ah, t'sais. ouais, ce genre de jeu. J'ai été là-dessus pendant 2 semaines à quasi temps plein, là, tu sais, pour le faire. Puis c'est là que tu reconnais la qualité d'un grand jeu de même, c'est que t'embarques dedans, puis quand tu sors, t'es comme... Je viens de vivre quelque chose. Ah oui, man, tellement. Puis non seulement ça. Puis tu joues à ça, tu dis, hey, je reconnais ça, cette toune-là, c'est dans The Messenger. Hey, je reconnais ça, cette bibitte-là, c'est dans The Messenger, ça. D'un coup, whoop, il pop un Messenger, tu sais. Souvent, tu sais. Ouais. Puis là, Puis là, quand tu... Puis je dis, OK, il y a des liens, là, tu sais. Fait que finalement, ça, c'est un prequel à The Messenger. Puis là, quand tu te mets à checker ça comme il faut, puis tu vas voir sur Internet, man, tu vois toutes les connexions qu'il y a entre les deux jeux. Deep, là, de ça, ouais. Mais c'est même pas tant si deep, là. Tu sais, dans The Messenger, t'as une scène avec une place, là. OK, ouais. Et puis, puis là-dedans, la place, tu sais, est belle à la fin du jeu, mettons. Mais t'es comme, ouais. Oh my God, c'est cette place-là, mais bien plus tard dans Messenger qui est... OK. Ah, c'est... Dans, c'est puis... OK, c'est ça, c'est pour ça que ça, pour ça que ça. Okay. Fait que les gens, ils n'ont pas juste fait un jeu, là. Ce que Sabotage font présentement, c'est qu'ils développent un univers qu'ils créent d'eux-mêmes, où est-ce que tous leurs jeux sont rattachés. Fait que j'ai vraiment, vraiment hâte de voir c'est quoi leur prochain jeu. Ouais. D'un, s'ils vont explorer un style complètement différent, encore une fois, et ça va être quoi les ramifications avec leurs deux premiers jeux, parce que je suis certain qu'il y en aura quand même c'est pas mal. Fait que ça, là, ça, c'est de la qualité, mon gars. Là. Ça, c'est de la recherche. Puis l'histoire de Sea of Stars, là, est tellement deep. Puis oui, là, des fois, ils te font gosser un peu. De comme, bon, ben, parfait, là, je suis arrivé là. Ah ouais, mais faut que t'ailles chercher le rubis de... Là, genre, ah, OK, là, ça étire le jeu parce qu'il faut que j'aille faire une affaire de plus. Mais cela dit, comme le qu'est-ce qui fait le mal dans le jeu, c'est qui que tu combats, tu sais. C'est comme une situation entre des personnages. Tu sais, ah, ouais, okay. C'est ça qui fait tout ça. Aïe, aïe, OK. Et puis là, c'est deep, là. Ouais, ouais, puis chaque personnage est deep, là, avec son storyline, puis tout ça. Puis ça va des... Chris, c'est brillant. C'est fucking brillant, là. C'est pas du premier niveau, là. C'est... Les gens, ils fabriquent quelque chose, là, de très profond, là. C'est vraiment... Et puis, ils ont un jeu dans un jeu aussi, tout comme l'avait un peu Shovel Knight, si je peux dire, un genre de jeu de table que je n'ai pas pris le temps de lire les règles, mais qui peut être, semble-t-il, assez addictif. Là. Okay. On l'a vite vaguement vu tantôt. Là, tu places... je sais même pas comment l'expliquer. Là. ben, vous irez voir ça. Il y a ça dans toutes les tavernes de chaque village. Et puis, j'imagine quand tu réussis à battre chaque table partout dans le jeu, tu gagnes une affaire de plus. Il y a plein d'affaires à aller chercher. Il y a plein de... Mais j'ai juste forcé à compléter les affaires que j'ai besoin de faire pour avoir la bonne fin. Ouais, ouais. Cela dit, il me reste plein de trésors et puis plein de petites side quests que je sais qu'il faut que je fasse. Ouais. Mais là, j'ai arrêté après 35 heures. Mais vous en avez du stock là, à côté. Et puis, je vais spoiler de quoi aussi. Il y a même une section où est-ce qu'à un moment donné, tu break in dans le studio des développeurs. Ah ouais? Tu rentres dans le studio, là, c'est moderne, là, tout est là, les ordinateurs, ils sont tous là avec des t-shirts noirs, tu sais. En vrai, là, Benoît? Ben, en vrai, dans le jeu, tu sais. Ils sont en bonhomme 8 bits? Ils sont en bonhomme comme ça. Comme là. Ça, 16 bits. Ouais, c'est ça. Non, pas en vrai, là. Okay, okay. Mais ils ont refait le studio dans le style du jeu. Tu rentres. Puis c'est le bonhomme de la shop de The Messenger, tu sais, qui t'accueille, genre, est-ce que c'est malade? Wow. Fait que c'est vraiment hot. Donc, c'est pour vrai, je me sens un peu gêné d'avoir attendu de jouer, là, mais je suis content d'avoir eu le temps et pris le temps de le faire. Puis s'il y a un RPG que j'allais tenter, c'est bien celui-là. Puis je m'attendais jamais à un niveau de même de crise de qualité. Là. Oh. C'est incroyable. Fait que pour toutes ces raisons, mon Jean-François, je vais lui donner un 5 pommes sur 5 totalement mérité. Tu sais, je pourrais dire comme défaut que le boss de fin, le vrai, je le trouvais comme long pis plate à faire. Là. C'était pas, je trouvais que c'était vraiment pas le meilleur boss. Donc ça, j'ai pas aimé ça. Et puis, il y a bien des attaques spéciales. Bon, c'est peut-être moi qui est poche pis qui prenait pas le temps de les utiliser, mais c'est ça, on n'utilisait pas... On faisait quand même régulièrement un peu les mêmes affaires, mais là, bon, ça, c'est un peu à moi aussi à tester. Ouais, mais non, c'est un jeu absolument incroyable. Ça a l'air magnifique. C'est magnifique. Souvent, il y a un débat de savoir si les jeux vidéo, c'est de l'art. Mais quand tu ressens des émotions comme ce que tu dis que tu as ressenti, ça prouve qu'il y a des jeux vidéo qui sont effectivement des œuvres d'art, comme ça, c'en est pas l'art. C'est tout de l'art, puis ça, c'est de l'art. Pour moi, l'art, c'est te faire ressentir une émotion avec quelque chose. Là. Exact. Fait que ça fait partie, selon moi. Là. Exact. Ah oui, 100%. Voilà. Fait que je vais m'ouvrir une deuxième bière parce que... Bon. Pourquoi? Puis, on va prendre une petite, ce coup-là, puis on va aller concernant la question du public. Ah non, on voulait parler de la Switch 2, c'est vrai. On va parler de la Switch 2. Ouais, celle-là. Oh, Oui, il va me mettre la gueule dessus tout de suite après. Tout de suite. Ouais, il y a eu les annonces là, des précommandes de la Switch 2, puis le prix, puis tout ça a été finalement annoncé. Là, donc, la seule bonne affaire qu'on avait prédit, c'était le prix. Ah ouais, on avait prédit ça, nous autres. Moi, j'avais dit 6,50, puis ça a été ça. Là. Ça a été ça. Ben, bravo. Puis c'est ça, cher en tabarnak. Bravo, c'est la seule affaire. Oui, c'est la seule affaire que j'ai prédit de correct dans bien des trucs. Ouais. Mais oui, on a eu, nos, ici chez Retro MTL, on a eu la nouvelle finalement de nos quantités qu'on allait avoir. Et puis là, on a des bundles de Switch avec Mario Kart, Mario Kart World. On a des bundles de on a des Switch sans qui ne sont pas bundles Mario Kart. On a des Pro Controllers, on a les caméras. Mario Kart à 109$. On a Mario Kart en version physique. Je pense qu'on a en 3 copies. Là, t'sais. De tout ce que je vais vous nommer là, on en a t'sais, en bas de 10 là, chacune. Là, t'sais. Le Zelda Tears of the Kingdom, Zelda Breath of the Wild, Street Fighter 6, un RPG, je me rappelle plus lequel. Et puis des amiibo, il y a des kits d'amiibo aussi de Street Fighter. Et puis pochette de protection. Et ça ressemble pas mal à ça. Donc. Ben oui, c'est cher. Puis, hey, les jeux physiques, là, ils vont être. Mettons Zelda, là, sur Breath of the Wild, là, le premier, là. 120$. Tabarnak. Genre. Okay. Kirby Forgotten Land, 120$. C'est pas Mario. 120$ de fun, ça. Hey, c'est malade, là. Non, mais Chris, ces jeux-là existent depuis la fucking Wii U, là. Puis là, c'est 120$, man, pour la version Switch 2. Man. Ça me fait capoter. Ta Switch, elle va coûter 700$. Puis là, tu veux la petite caméra, c'est 100$. Une Pro Controller, c'est 100$. Mario World, c'est 100$. Puis, oh, ben, on va me prendre un Zelda. Plus les taxes. Tu sais, quand t'es rendu à 1200$, là, tu sais. Pour jouer à Mario Kart. Tu sais, c'est. Man, moi, ça m'horripile. Fait que non, moi, je la précommande pas et je l'achèterai pas non plus immédiatement. Ça va me prendre un gros jeu. Ma Switch est quasiment inutilisée, là, genre depuis le début chez nous. Fait que j'ai pas eu problème des Joy-Con Drift. J'ai pas joué assez avec mes Joy-Con. Fait que. Ben, moi, j'ai eu ce problème, là. Un gros jeu. Mais le prochain gros Mario, peut-être, il va falloir que je l'achète, mettons, ou gros Zelda, quelque chose de genre, là. Mais pour Mario Kart, l'autre fait encore la job, mettons, pour l'instant, là. Ouais, mais par contre, je trouve ce Mario Kart là, il est assez incroyable. Il y a quelque chose de plus là, tu sais. Mais pas 750$. Quelque chose qui pourrait même me tenter moi, un non joueur de Mario Kart, à genre aller me promener dans le wild puis à pogner des sauts, tu sais, ça c'est intéressant. Mais pour le reste, man, je m'en sac là, tous ces jeux là, il y a rien là-dedans. L'offre est pas encore assez grosse selon moi. Exactement, tu sais. Mais bon, moi, je vais m'en pogner une. On s'est entendu les propriétaires de Retro MTL qu'on s'en pognait une. Et puis j'aurais ça, puis mais pour vrai, c'est comme tu on passe ça dans nos dépenses, dans nos affaires, mais j'aurais pas à aligner, pas dans, là-dedans là, puis je l'aurais pas acheté. C'est sûr que je l'aurais pas acheté. C'est ce jeu-là, ça va faire les dépenses, fait que ça pas tout de suite là. Non, j'aurais jamais payé ça pour ce que c'est là, c'est pas assez différent de la première Switch. Puis moi tout ce que je veux c'est qu'il y ait une Switch qui run plus mes jeux. Fait que qu'il y ait moins de loading, puis c'est ce que j'aurais, mais j'aurais pas payé 700$ pour ça là, tu sais. C'est malade. Domaine dit ouais, mais il y avait des jeux de Super NES à ce prix-là dans le temps ou quasi. Ben ouais, moi Final Fantasy 3, j'avais payé ça 100$ là en effet. Mais c'était pour Final Fantasy 3. Ouais. C'était pas pour c'est pas pour la réédition de Kirby Forgotten Land, là, tu sais. OK, ils ont rajouté un niveau, là, mais... Ouais, un niveau pour 40$ de plus de là dans le temps. Ah, c'est ça. Mais tu sais, Breath of the Wild, là, ça commence à être tiré, là, en maudit, là, tu sais, ça... Le jeu qui est sorti à Wii U, hein, t'as raison. Là. Ah non, c'est ça. Fait que, bref, donc on va pas ouvrir de précommande donc pour en finir avec ça, parce que les quantités sont pas assez grandes. Puis ça va être premier arrivé, premier servi le jour du lancement, le 5, et puis juin, et puis ça va être ça. Simple de même. Il était supposé, selon nos fournisseurs, qu'il allait pas... Quantité limitée pour tout le monde, ils vont en faire en masse. Gris, pas en doute, là, finalement. Ouais, tout ça est un tissu de mensonges. Ben, c'est à cause de la production ou c'est à cause de Trump et ses tarifs puis toute la merde qui se passe? Là, Cela se peut. Retro Gamer Fans qui dit « Imagine GTA 6 va bien être 200$ US, probablement. » Ben, tu vois, ça, je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec les jeux de PlayStation 5. Ils vont-tu augmenter de prix, comme sûrement, par magie, pour suivre là, ça? Tu sais, je peux pas croire. C'est assez incroyable. Mais, ben, that's it, man. Tu sais, moi, en même temps, je m'en sac un peu au sens qu'on fait pas une scène avec ça. Ouais, ça va nous coûter tu sais. Ça fait deux pièces de profit. Entre 10 et 20 000 $ tu sais, pour faire 200-300 pièces de profit, ouais, tu sais, ça a juste pas de style d'allure, là, tu sais. C'est complètement stupide. Fait que. Mais ça nous fait plaisir de le faire, puis ça va être une super belle journée, oui, puis ça va être excitant, puis c'est à ça que ça sert. Ça fait de la pub, là, tu sais. Mais. Ben, en fait, je sais même pas ça va être quoi notre markup là-dessus. On sait c'est quoi, c'est sur les consoles présentes et sur les jeux présents, tu sais. Mais sur, c'est, on va-tu faire plus de marge sur ces jeux-là? Ah, ok, ouais. Tu sais, mettons, présentement, sur un jeu à 80$, on fait 10$. Mais sur les ish, là. Mais sur un jeu à 120$, comme Zelda Breath of the Wild, on va-tu faire 15$, 20$? Ou on va faire 5$, tu sais? Ouais. Puis là, nous autres, on a un autre problème, c'est qu'on a du shipping gratuit pour les commandes de 100$ et plus. Alors là, qu'est-ce qui arrive avec ces jeux neufs-là? Quand le monde nous les achète, on les ship gratis. Fait que c'est sûr qu'on perd de l'argent à chaque jeu. C'est clair, mais ça passe de profit sur ton ben, jeu. Ben, exactement. Fait que là, il faut qu'on se questionne. Est-ce qu'on augmente à 120$ notre shipping gratuit ou on bite de bullet sur tous les jeux neufs qu'on va vendre parce qu'anyway, il n'y en a pas beaucoup encore? Ouais. Tu sais, il va falloir réfléchir à ça. Mais notre shipping gratuit à 100$, est-ce qu'il serait resté à 100$ pour toute la vie? Non. Il y a l'inflation, là, tu sais. Il est à 100$ depuis 6 ans, là, tu sais. Oui. Fait que de le monter, est-ce qu'on va perdre des ventes, tu sais, faut... C'est un raison... On est comme rendu là à cause de ça, tu sais. Faut y penser, là. L'impact de ça, ouais. Ouais. Tourne ça en enchère, ouais, c'est ça, hein. Mais on pourra pas en faire d'enchère. Même, on a eu des Iron Meat sur Switch dernièrement, ouais, ouais. Puis ce jeu-là, man, tout le monde... C'est comme le meilleur contrat depuis... qu'on a eu depuis très longtemps, depuis Blazing Chrome. Ouais. Et puis, ce jeu-là a pris full de valeur, puis il y en a très peu, puis tout le monde s'est jeté là-dessus. Fait que le prix a skyrocket. Ah, et tu sais, nous autres, on peut pas les vendre plus que le prix du retail, là, qui est genre 60$, mais ça se vend genre à cette heure 130, 150 sur eBay. Ouais. Fait que ça, c'est très drôle. Mais oui, comme Cyclone dans le chat, il y a les scalpers qui vont faire de l'argent, mais... Embarquez pas là-dedans, là. C'est pas besoin. Non, payez pas 1000$ pour une Switch, là. Ben non, là, voyons. C'est attendez, là. Embarquez pas. Encouragez pas ça. On s'en sortira jamais si vous continuez de faire ça, tu sais. Faites pas ça. Puis, nous autres, d'ailleurs, tout ça sera pas en ligne. Donc, il y a personne qui va nous acheter toutes nos affaires en ligne pour les flipper. Ouais, personne qui va vous spammer, genre, à l'heure de lancement, à minuit, pour essayer de pogner la console. Exact, exact. Ça va être en magasin seulement, puis un par personne, puis, tu sais, ça va être ça, là. Pas le choix, là. Pas de clonage. Mais toutes les précommandes de Best Buy, Walmart, GameStop, sont toutes vendues. Il n'y en a plus. Fait que, tu sais, il y a des scalpers qui vont. Ah, qui sont déjà en train de vendre des précommandes, j'en suis convaincu. C'est sûr et certain, là. Ouais. Malheureusement, pas grand chose à faire avec ça, là, ces scalpers-là. C'est une vraie plaie, là, pour eux. Faut juste pas les encourager. Hein. Ouais, mais si personne les achète, ils vont arrêter, maintenant. Exactement, exactement. Je suis scalper, j'achète 1000 pièces partout, je revends 1200. Oh, ok, il fait des jokes dans le chat. Ah ben go light mon petit tanant. On allait te bannir drett là. Ben oui, on allait le bannir. Mais tu sais, les scalpers ils resteront jamais pognés avec ça. Là. C'est non, ça non, qui est... c'est tant quelqu'un va l'acheter. Là. Exact. Alors, on se transporte comme par magie à l'univers des questions du public. Et on continue la tradition. Du public. Oui. Et on continue la tradition de commencer par. Mettre la gueule dessus, je mets-toi à gueule là-dessus, JF, pendant qu'on commence comme il est. Elle a même pas coulé! T'aurais des références de Péris. Références de Péris. Je l'aime beaucoup celle-là d'ailleurs. Oui. Ah, on ouais. En sert souvent. Ça a même pas coulé. J'attends mon gars aux toilettes. Il ne comprend rien, moi je trouve ça. Je peux pas être fatigué, pas attention. Retro Gamers Fan a déjà répondu à sa question. Ben, j'imagine, hein, c'est ça, là, on va répondre aux affaires. On commence sur Instagram, donc comme le veut la coutume dorénavant. Mm-hmm. Dubois 6449. Hey, Dubois. Si tu pouvais mettre une traduction québécoise à n'importe quel jeu, lequel tu choisirais, pourquoi? Oh. Ah, Burger Time. J'en veux des hamburgers! Non, attends un peu. J'ai pas des jeux qui parlent beaucoup. Tu sais, genre Duke Nukem, là. Ouais. Des gens qui parlent québécois. Ah, ça serait comme Slapshot, là. Ouais, ça genre traduction à Slapshot sur Duke Nukem, voilà. Ça serait super violent, en effet, là. Juste pour rajouter des jeux à l'excès de violence et de danseuse, là. De danseuse. Shake it, baby. Ah, écoute, pourquoi pas un Castlevania Symphony of the Night, là, justement, comme on a vu dans l'intro. Il y a bien du voice-over Keten là-dedans. Mais ça là. Se passe genre au Château Laurier, quelque chose du genre. Au Château Frontenac. Château Frontenac. C'est où le Château Laurier? Ça, c'est pas là. À Montréal, là, c'est là, ou c'est le bord de Notre-Dame. Ou je me mélange à Québec. Il y a un autre. Il y a d'autres. Deux, trois petits châteaux. Là, qui... Il y a beaucoup de châteaux, en des fait. Des hôtels qui se proclament être des châteaux aussi, dans le nom. Ah ouais, l'hôtel... Mais le Château Frontenac, j'avoue que ce serait hot. Là. Ah ouais, au Château Frontenac. Un RPG dans le Château Frontenac, dans le Vieux-Québec. Là. Oui, c'est ça. Un Metroidvania dans le Château Frontenac puis dans le cours. Faites ça, sabotage, votre prochain jeu. Un RPG, ben, ils feront pas un autre RPG, là, mais un RPG dans, genre dans le Vieux-Québec, là, l'hiver, là, ah, le Château Frontenac puis tout. Là. Ah, ça serait hot, c'est avec des glissades puis tout. Avec des glissades. Cyclone dans le chat, on va répondre. Pensez-vous que les jeux Switch 2 physiques vont vraiment contenir tout le jeu dans la cartouche? Ça va être juste un Game Key Card. Des Game Key. Ouais. Mais ben, là, présentement, il y a du jeu dans la cartouche. Oui. Faut-tu que tu sois activé? Tu peux jouer avec ta cartouche offline. C'est pas. Ouais, ouais, moi je fais ça. C'est pas comme les 10 de PS5, ça prend genre 80 gigs d'update avant de commencer. Non, c'est ça. Ben, moi je pense que ça va être comme présentement. Là, ouais. Ça va être exactement comme les jeux Switch présentement. Kimulator's Film, bon là, c'est lui là qui. il est venu se reploguer. Il s'est plugué partout là. Ouais. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous excité à l'idée de la sortie physique de Potato Sack Racing Simulator 2024 par Limited Run Games? Et combien de copies allez-vous en vendre chez RetroMTL? 69, j'imagine. On est très excité. Ah, LG Muzio dans le 4 qui répond qu'il va y avoir les deux. D'ailleurs, Street Fighter, c'est juste une key card. Ah, c'est ça, hein, que j'ai vu sa pochette. Il va avoir les deux, donc. Urgh. Tout ça s'en vient de dégueulasse. Ouais. Tom Fréchette. Quel est Tom ton French Duff. C'est French Duff, hein. French Duff. Quel est ton attachement avec les arcades que tu parles toujours, Smash TV, Tamper, Snow Bros? C'est parce qu'il se passe, puis son frère, Anthony Fréchette, Antonin Fréchette, ouais. Drette en dessous. Les Fréchette Bros, man, ils sont montés une arcade chez eux, là. OK. Puis ils ont des estis de belles machines, là. Miss Pac-Man, Snow Brothers, Play Choice 10, puis tout. Et puis, moi, je suis bien jaloux de ça. Fait que là, ils me demandent c'est quoi mon attachement. Ben, c'est parce que je les possède pas, alors... Ils veulent des ventes, pour ça. Ah, c'est ça. J'y serais très attaché si je les possédais, mais là, je les possède pas. Mais c'est des machines que j'aimerais avoir, là. C'est, moi, c'est j'ai un nouveau projet maintenant. Ellie m'a montré une affaire, genre un board d'arcade, il y a deux sticks puis une trackball dans le milieu, mais qui est sur un pied tout seul. Fait que tu peux mettre un ordi caché, puis je mettrais une TV verticale, puis je vais me faire une machine à shmup chez nous, là. Ah ouais. Ah, oh, hein. deux players machine à shmup, là, dans le sous-sol. Jouer à Centipede avec la trackball verticale aussi. Hein. Jouer à Marble Madness. Ouais. Haïr sa vie. Ah, et... Fait que voilà, man, je veux ces machines-là. En même temps, j'ai pas de place chez nous, mais j'en trouverai, I guess. Quand mon plus vieux va partir, il est sur le bord. Salle d'arcade. Mets ça dehors, esti, à 18 ans. Va travailler. Va travailler. Chris Dongan. Antonin, donc Fréchette Jones. Salut les gars, quelle est votre meilleure histoire de game chasing? Meilleur steal ou peu importe? Sinon, votre braquette pour les séries. Oh là, c'est deux grosses questions. Si tu veux mon braquette des séries, va écouter le dernier épisode de LSDP, on l'a fait. Ah ouais, tout hein? est là, là. T'es capable de le dire rapide ou... Non, mais la finale, c'était la Floride contre... Fuck, j'ai un blanc. Les Stars. Non, c'est pas les Stars que j'ai choisi. Les Avalanches. Non, même finale qu'elle est passée. Edmonton contre la Floride. Ah ouais, hein? Attends un peu, moi j'ai une braquette ici. Puis je pense qu'Edmonton gagnerait peut-être cette année, mais... Fait que là, on a Capitals-Montréal. Oh, Montréal, là. Ouais. Ensuite, on a Caroline-New Jersey. Caroline. Panthers-Lightning. Allô, Caroline? Non. Panthers-Lightning, moi je dis Panthers. Maple Leaf-Sénateur. Maple Leaf, même si je crois jamais au Maple Leaf. On y croit jamais. Moi, je suis sénateur là, ouais, moi aussi, pour la bataille mais de l'Ontario. Je pense qu'ils vont passer à la deuxième ronde. Ils réussiraient peut-être. L'autre bord, Jets, Blues. Moi, j'y vais pour Jets. Ouais, moi aussi. Stars, Avalanche. J'y vais pour l'Avalanche. Je pense. Les Golden Knights, c'est le Wild. Moi, j'y vais. Je le Wild, puis je ne sais plus pourquoi. Ah ouais, hein? Moi, j'y vais Golden Knights, mais j'aimerais que ça soit le Wild. Les Kings contre les Oilers. Ça, c'est un nasty fight, ça, quand même. Mais les Oilers, pareil. Ouais. Moi, je vais aller avec Kings. Ah. Fait que, bref, c'est ça, les braquettes. Et puis. Ta finale serait quoi de bord de la coupe? Ma finale de la coupe, moi, ça va être j'aimerais ça, les Jets, là, mais je pense que ça va être les Kings. contre les Panthers. C'est la Floride qui va gagner encore cette année. Ça va être Floride, ça va être le Sud contre le Sud, puis ça va être la Floride qui va gagner encore cette année. Si Edmonton sera en finale, peut-être qu'ils vont réussir, mais à un moment donné, McDavid va être tanné de ne pas gagner. Là. Ah, exact, exact. Il va se pendre dans le vestiaire, je sais. Les Jets, ça serait quand même pas mal cool. Les Canadiens sont brassés, un petit peu. Donc, El Jimuzio qui dit qu'il pense que le physique va être très cher sur la Switch 2 à cause des cartouches qui sont beaucoup plus dispendieuses que sur Switch 1. Ah ouais, c'est intéressant ça. Je pensais pas que c'était si plus dispendieux. Il est là le problème. Chris. Il est là le problème. Sinon, toi, JF, t'avais-tu des, du game chasing? Pas tant, hein, je pense. Non, mais je l'ai fait avec vous autres quand on allait, mettons, genre, à Ottawa, des affaires-là, ramasser une coupe d'affaires. La petite sirène, là, au NES, là, avec la fausse boîte. Là, c'est ouais, cool, c'est ça. Rien de grande valeur, là. J'ai jamais rien trouvé vraiment de bien cher. Hein. Je te demanderais d'ouvrir une fenêtre Facebook ou Google directement. Puis tu peux taper Papa Cassette Equinox. Voir si ça sort quelque chose. Pendant ce temps-là, je peux lire la prochaine question. Parce que ça va être un des beaux game chasing que j'ai fait, ça. Pour Dom, quand tu as lancé Retro MTL, c'était quoi ta plus grande crainte côté? L'a ici. Tu l'as? Ben, je l'ai sur YouTube. Ah, j'avais-tu fait une vidéo? Dans les archives, Soirée Nostalgie, c'est écrit Equinox. Je peux aller voir c'est quoi ici. Sur Facebook. Ah, c'est une playlist, ok. Il doit être là-dedans. Ah, ouais. Ou sur mon Insta. Rapport de chasse Equinox. Un beau vidéo de 16 minutes là-dessus. Wow! Ah ben, tu vois. Es-tu capable de le mettre à l'écran? Oui, je vais aller ranger parce que j'ai oublié. Ok, on va mettre le vidéo pas de son à l'écran de. Voici le marché aux puces Equinox à Thetford Mines, mesdames et messieurs. À Thetford! Et puis, c'est. Chris, man, ça fait. C'est quand ça? Ça fait 11 ans. Alors, c'était vraiment dans les débuts de Rétro Nouveau. Là. Puis, Allez, check le background. C'est tout Bruno, me semble. C'est quand on faisait encore les podcasts. Ou c'était après Rétro Nouveau? Il y a eu dans l'époque weird, là, genre de plein de clips qu'on faisait puis que c'était pas tout le temps des podcasts. Puis... Ouais, c'est ça. C'est hein. Probablement dans l'époque de les rendez-vous Rétro Nouveau, ça, puis qu'il y avait de l'extra. Là. On cherchait beaucoup. Oui. Allez, rapport d'achat. Les jeux Atari Zeller, c'est moi ça, tout ça est beau. Avance-le un peu, voir. Ah ouais, j'avais filmé en dedans. Puis là, j'avais pas de téléphone intelligent à l'époque, là. C'était avec mon appareil photo. Fait que voici mon lot de Atari 2600. C'était très. L'image. Hey, c'est donc bien drôle de regarder ça. Oui. Et puis, avance un peu, voir encore. Ah, déjà séparément. Ah, puis j'avais mis l'argent en plus, puis le prix que j'avais payé. Ça, c'est Snoopy contre le Red Baron. J'étais bien content de ce pick-up-là. Il y avait du stock, man, dans ce marché aux puces-là. Là. J'ai tellement ramassé de stock. Ah oui, là, ça, c'est des jeux Atari Zellers. Ah oui, c'est vrai, tu faisais ça. Tu mettais le prix affiché puis combien de payé. Ah oui, la valeur, combien ouais. J'ai payé. Tout moi qui a mis ça à l'écran. C'est toi qui avais mis ça à l'écran? Ben, c'est moi qui a fait le montage de ça, c'est sûr. Là. Ah ben oui, c'est vrai. C'est toutes mes choses, ça. Hein? Est-ce qu'on a fait de la job pour vrai, là? Ah oui. Puis, ah oui, parce que j'avais négocié le dude. Fait que j'avais tout breakdown, ça. Journey. Ah ouais, t'avais mis le ben. Hein. Ben, c'est toi qui m'avais dit de mettre ça pour le ben. Oui, ben, c'est ça que c'est. Là, c'est ce ben-là. Ça, c'est notre beau travail quand t'es jeune et fringant. V'là 11 ans, là-dessus. Hey, c'est beau, ça, man. Hey, tout beau, ce qu'on a fait est magnifique. Pour vrai, ben, là, oui, c'est... Man. Il y a combien d'écoutes là-dessus? Descendons un peu, voir combien de monde ont été ça. Ah, 1000. 1000 vues, quand même. Même. C'est pas pire, il y a 11 ans. 15 commentaires. Ah, puis il y avait même du gameplay de Journey. Hey, c'était rempli, on était motivés. Ah, avance-là encore un peu, il y a du gros Super NES. Ah, il y a des jeux de Coleco, il y a de la Genesis, il y a du beau NES. Poznick. Poznick, Wumpem, hey. Zanac. Jackie gameplay. Chan, Action Kung Fu, man. C'était bon, là, ça, là. Puis c'est encore bon aujourd'hui, d'ailleurs. Ah, Smash TV, Ninja Warriors, ça c'était un gros pic, là. Ça vaut cher, ça. Combien vous avez payé? Ce jeu-là, il vaut genre 200$ aujourd'hui. C'est quoi le podcast de Papa Cassette? Ben, les gars, ils écoutent des archives de ce qu'ils ont fait de 11 ans, puis ils commentent. Bon, c'est trop long, avance, ça me fait capoter. Ah oui, je l'avais payé 15$, oups. Le jeu est un joueur. Ah, okay. Ah oui, parce que je m'étais trompé. J'avais dit que c'était deux joueurs et c'était faux. Oh. Je l'ai payé. Il est affiché à 15$. La valeur était de 60. Puis genre, j'ai payé 10. Hey, 10$, man. C'est un bon pic, ça, quand même. 50$ de rabais. Fait que... Puis après ça, Firepower 2000. Mais Space Megaforce, man. Ça, avec, c'est un jeu qui vaut super cher. J'avais mis Godnac à côté. Même affaire, 15$, 60, payé 10. Ah, t'as eu pas un bundle de 60 jeux. 60$, man. À Yaster, c'est genre 200. Quelque... Ah, je m'étais acheté un Power Glove. Il y avait ça là-bas. Puis je me rappelle, moi, j'ai dit, ah, j'ai pas besoin de ça. Ma blonde a dit, voyons, là, t'es papa cassette. Là, ben oui, ça prend Chris, ça. Achète-toi un Power Glove, là, laisse pas ça là. Ça, c'est tout le loot. C'est l'affaire complet. Que je veux, probablement, dans la collection, que j'ai pas ça, le Power Glove. Fait que c'était un esti de beau loot, là. Ah, voilà, on a les stats. On a les stats finales de ça. Donc, c'était un prix affiché de 210, ça valait 380. Et je dois l'avoir payé, genre, 150. Ben, on va voir. 160$. Fait que voilà, je me rappelle de cette journée-là, je vais jamais l'oublier parce que c'était, je n'étais jamais allé là, puis on s'en allait dans Belle Famille, mais on passait par Thetford, Sherbrooke, ouais, Thetford, ouais. Puis habituellement on passe par Lavin, mais là on avait passé par là, puis moi Thetford c'est mon enfance, fait que quand je suis rentré là-dedans, je me suis dit oh, ça a l'air pas pire, puis il y avait du stock partout là, fait que j'en revenais pas des jeux vidéo qu'il y avait là-dedans là. Donc, allez voir d'ailleurs les archives de Rétro Nouveau, deux belles chroniques en dessous. Al Laboratories, puis la musique de Sunsoft. Oui. La grosse job, tout ça. Là. Comment brancher vos consoles rétro? Tu sais, ça, c'est toutes des archives. Ça, c'est la Rétron 5 quand elle est sortie. Ah oui. Magasiner pour vos jeux. Tout, Noël, oh, c'est les premières, comme une vidéo cassette. C'est vieux, vieux, là. C'est avant, ouais. C'est quand on faisait le Vectrex. Ah oui. Les vidéos recap des soirées en 2013. Au Funzo, les soirées Funzo, Papa Cassette, tout est là. Magique. Des applications de collectionneurs aussi que je présentais. Qui doivent toutes plus marcher. non, je pense que ça peut-être encore. Peut-être, hein. La belle époque. Très beau. Donc, allez voir ça. Tout ça est online. Hein. Ça, c'est du, reste pour toujours. C'est du nanan, ça, guys. Oui. Donc, c'est pas des archives qui roulent. J'ai reparti les archives. Quelqu'un me l'a demandé, mais je suis reparti. T'as bien fait. Hey. Chris, oui, man. Du beau service. Ben oui. Matt, oui, Matt. Pour Dom, quand t'as lancé RetroMTL, c'était quoi ta plus grande crainte côté business puis comment tu l'as surmonté? Et pour JF, si t'as écouté WrestleMania 41, comment t'as trouvé ça? J'ai quand même été déçu pour ma part. Je peux répondre vite fait, vas-y. Tu répondras après. La crainte... j'avais... Puis Fred est dans le chat, tu sais. Moi, j'avais personnellement pas de crainte spéciale, là. On était un peu. innocent. Un peu innocent. On n'a pas trop réfléchi au big picture. Ça là. Va marcher. C'est comme, on fait ça, là. Puis ça devrait marcher techniquement. Sur papier, ça devrait marcher. On verra. Puis c'est parti de même. Puis j'avais pas de crainte pour vrai. J'avais juste un goût d'aventure. Ouais, mais d'entrepreneuriat. Exact. Mais, tu sais, comme personnellement, c'était très prenant quand même parce que j'avais l'arcade et puis j'étais travailleur autonome aussi en même temps. Quand je me suis joint au gars pour essayer de booster et tout ça, ça m'a rajouté un petit layer de travail dans ma vie, là, tu sais. Mais, puis je me disais, si, ouais, j'ai besoin de faire ça tant que ça. Mais, puis finalement, oui, tant mieux parce qu'on a ça aujourd'hui puis ça a bien marché. Mais comme Fred disait, personne ne perdait sa maison non plus. Ouais, c'était pas si grave si ça marchait pas. Ça marchait pas, on vendait tout, esti, puis on paye le bail, puis on a un bail d'un an, on ferme tout ça, puis on retourne à la maison, puis on s'en calisse, là. Mais aller au bout d'un rêve, rendu là, c'est carrément ça. Là. Ouais, fait que j'avais pas de crainte, là, vraiment. J'avais pas de crainte. On était juste innocents. C'est pas plus compliqué que ça. J'avais plus de crainte par rapport à l'arcade, par contre, parce que là, j'ai hypothéqué ma maison pour avoir le cash flow pour investir là-dedans, là, genre 30 quelques mille. J'ai hypothéqué ma maison de 30 000, pareil, pour ouvrir un bar. Je repense à ça aujourd'hui, puis ça me donne légèrement le vertige. Mais c'est pour moi, tu sais... Ah ouais, c'est de l'argent, man. C'est de l'argent. T'as hypothéqué pour 30 000 pour un bar. Moi, j'ai hypothéqué pour 60 000 me séparer. Tu sais, c'est comme, ouais, c'est ça. C'est relatif. Moi, j'ai fait de l'argent. Moi, je l'ai juste perdu. Moi, j'ai juste des bons souvenirs puis de l'argent. Tu sais, quand j'ai vendu mon condo, j'ai perdu 30 000 dessus aussi. Colin, j'ai perdu beaucoup d'argent dans ma vie. Ouais. C'est pas ma faute, malheureusement. Ouais. Mais au moins, t'as une piscine, là. Des Doritos, c'est jeudi. Allô, jeudi, la piscine prochaine. Caline, hostie. Hein. Ouais, c'est naillé dedans. On va aller se nailler. J'ai regardé, là, elle est verte, mais elle est pleine d'eau. Il y a eu tellement de neige que là, j'ai même pas besoin de la remplir. Elle est montée au bout, là. Ah ouais. Des fois, je suis comme, elle a de la bonne eau, ça. Non, elle est verte pour l'instant. Faut qu'ils viennent. Non, mais faut que tu vas garder cette eau. La garde, mais ils vont mettre des produits dedans, puis ils vont la cleaner, là. On va partir le sel, puis tout ça, là. La fois que j'allais dehors, je me dis, ah cool, il y a une souris qui est morte qui flotte. Je m'en cherchais la police. Je reviens, ah, elle est plus là. Une souris dans le fond. Bon, ah, il y a un oiseau qui... Non, un doute dans le fond. Il y a un faucon qui l'a snappé. Ça se pourra. Ça se pourra. Pas peur un affaire qui meurt dans cette piscine-là. Non. La dernière, notre ça dignité. Va être moi. C'est ça. Ça va être nous autres. Ça va être faire ce gang-là. Non, là, en tout cas, moi, je vois qu'elle coule pas pour l'instant. Fait que ça, c'est déjà ça. Galgator qui dit dans le chat, on va voir quel morceau de la piscine notre GF va briser cette année. S'il vous plaît, donnez-moi un break cette année. J'aimerais ça, là. Sinon, GF, WrestleMania, as-tu été satisfait? Tu sais, notre fan, il dit qu'il était déçu. Je suis rarement déçu de quoi que ce soit de divertissement dans la vie. Ça c'est rare, je suis déçu, point, dans la vie. Pas le plus grand WrestleMania, mais quand même intéressant. J'ai trouvé... NXT était très bon là, le samedi à 1h l'après-midi. Ah, ça, j'ai pas écouté. Moi, j'ai écouté parce que j'étais couché sur le divan avec ma couverte en polar des Canadiens. Puis, comme de la lutte. J'écoute de la lutte. Ouais. Mais tout le temps, très, très bon, beau, haut niveau. WrestleMania, correct. Manquait un peu d'artifice, je trouve. Couple de moments très drôles et cocasses. Steve Austin qui rentre dans le, ben oui, dans le monde avec son VTT parce qu'il est chaud. Plante le VTT. Sacrément, c'est dur. Lui, il est supposé être le parfait redneck, tu sais, genre yeah, yeah, yeah. Puis on l'a pas vu dans le show, mais il s'est trompé de place. Au début, il a manqué la rampe d'entrée parce qu'il allait trop vite. Là. Il est allé à côté, puis là, il avait de la misère à reculer. Parce que waouh, c'est pas très homme, pas très viril, tout ça, mon ami. Il est juste. Ouais, Stand and Deliver était quasiment meilleur. Oui, ben Stand and Deliver, t'as quasiment parfait. Comme tous les gros shows de NXT, c'est presque parfait tout le temps. Shawn Michaels fait une bonne job de gestion avec la NXT. Ah ouais, il est là-dedans, lui? C'est lui qui gère la NXT. Fait que Triple H gère la WWE, puis Shawn Michaels gère la NXT. Fait que DX gère la WWE maintenant. C'est ça qui est fou. Ah, c'est malade. Mais moi, sinon, j'ai écouté aussi. On a jasé un peu, là. J'ai tout écouté. Moi aussi, c'est long. C'est très long. C'est moins long que ça a déjà été, par contre. Là. Les entrées sont très longues. Mais au moins, tu sais, 10h30, c'était fini. Là. Mais 10h15 même, là, c'était genre, c'est rappé, on arrête. Ouais. Il y a eu des années que genre ça commençait à genre 4h, puis ça finissait à minuit et demi. Là. Ça avait pas de bon sens. Là. Ouais, on en demande pas tant. Ben là, ils sont splittés sur 2 jours, fait que c'est cool. Puis j'ai même écouté, tu sais, le pre-show sur YouTube de 4 à 7. J'ai mangé de la lutte cette fin de semaine-là, c'était fou. Là. Ouais. Mais moi, j'étais diverti par tout ça. J'avais calé 100% la fin du main event du premier soir de Paul Heyman qui allait se revirer contre Punk et contre Mais Roman Reigns. Mais peux-tu m'expliquer très rapidement c'est quoi cette histoire-là? Ok, prends une gorgée. Prends une gorgée, on va en prendre moi aussi. Fait que Paul Heyman, c'est genre le coach suprême un peu de tout le monde en lutte. Là. C'est le meilleur coach de lutte qu'il y a présentement. Ok. Puis il y a des années, genre 2010-2012, il était l'advocate, fait que le coach de CM Punk. Oui. Punk est parti, il est devenu le coach de Lesnar, Brock Lesnar, après c'est devenu le coach de Roman Reigns. Ouais. Fait que là, il y a eu le Triple Threat, puis là, il a dit, tu me donnes une faveur à Paul Heyman, puis il a dit à Paul Heyman, ta faveur, c'est t'as dit que t'allais m'accompagner au ring si la journée que j'allais main eventer WrestleMania. Puis il y avait des clips de lui, il y a 10 ans, qui a dit ça, effectivement. Mais c'est présentement le coach à Roman Reigns. Fait qu'il a fait, je peux pas trahir mon poulain Roman Reigns. Ouais. Mais je peux pas faire ce que j'ai promis. Genre, j'y dois une dette. Fait qu'il est allé. Fait que ça a mis la marde. Le Roman Reigns est en crise. Fait qu'il s'est mis à bullier. Parce que Roman Reigns, son personnage, est un bully dans le show. Il bully tout le monde. Là. Okay. Fait qu'il s'est mis à pousser genre Paul Heyman dans la face. Puis le crissé à terre. Puis il est en crise. Puis tout. Fait qu'il s'est reviré contre lui. Il s'est reviré contre Punk. Mais juste pour se revirer contre Heyman, dans le fond. Okay. Pour finalement partir maintenant avec Seth Rollins. Fait que là, il est parti une nouvelle faction. Là. Okay. Puis à Raw. Fait qu'il était pas le coach de Rollins, mais il. Pas en tout. Mais moi, j'avais calé 100% comme il va partir avec Rollins. C'est là que ça s'en va, c'est ça. Ouais. Puis à Raw, Bron Breakker s'est joint à cette faction-là. Fait que là, c'est genre rendu Paul Heyman, Seth Rollins, Bron Breakker. Puis Becky Lynch s'en vient, c'est sûr. Là. Okay. Becky Lynch qui est revenu. Ouais. Coupe d'affaires que j'ai moins apprécié. Ça, je trouve ça câble de la faire revenir en l'oiseau, là, la fille oiseau. Là. Valkyrie. Une bonne lutteuse, mais Valkyrie, mais poche. Genre, avec les ailes, tu sais. C'est un peu cringe. C'était cringe, ça. Mais c'est du grand spectacle là, de WrestleMania, des Henry Brand de nature, puis tout ça. Mais là, John Cena a gagné. John Cena a gagné. J'ai vraiment pas aimé le match, mais c'est correct parce qu'il a dit qu'il allait ruiner la lutte pour tout le monde, John Cena, qui est son personnage de heel. Après, là, tout était noir. C'était marqué John Cena, puis il n'y avait rien. J'ai trouvé ça malade. J'ai pas aimé la fin, par contre, qu'un traître dans un coup de pied d'un gosse. Mais c'est con, ça, parce que, genre, ça a fait qu'à la fin, tu sais, Cody Rhodes, il a pas voulu frapper Cena avec la ceinture. Ouais, ça, je l'ai... Mais, genre, un mois avant, ça ne dérangeait pas de frapper Kevin Owens avec une chaise, genre, puis ça, c'est, j'ai trouvé ça un peu poche, là. Ouais. J'espère qu'ils vont le ramener en méchant... Mais là, John Cena, il était pas en retraite, lui? Ils l'ont sorti de la retraite pour Non, il a dit, il me reste une dernière run en moi, je la fais cette année, puis je vais en chercher la ceinture, puis j'arrête, genre, cette année-là. Il n'y a pas eu d'arrêt. De quoi il n'y a pas eu d'arrêt? Moi, je pensais qu'il avait arrêté de lutter depuis des années. Plus. Ça fait des années quand même qu'il lutte plus de temps. Il est vraiment pas là souvent. OK, il est là quand même un peu des non, fois. Non, mais il faisait pas de match. Il venait à WrestleMania. Il faisait un match là, de temps en temps, mais il luttait pas régulier du tout. Okay. Il était comme plus là pantoute. Là. Mais là, il dit qu'il va arrêter à la fin de l'année, là, genre sa retraite officielle. Là. Mais là, il est parti avec la ceinture. Fait que là, il vient de battre le record de Ric Flair du plus grand nombre de titres. Je suis sûr que la WWE sont contents parce que Ric Flair ne veut pas tout le temps être avec lui. Là. Ouais. Mais ouais, c'est ça, c'était anticlimatique un peu la fin, je trouvais. Mais man, son personnage de heel, là, il était bon, là, tu sais, comme là. Là, il dit que genre. Bien, là. Il dit qu'il s'est fait faire une greffe de cheveux en arrière parce que les fans l'ont boulié. Oui, c'est ça. Je trouve ça tout malade, genre. Ils prennent ça avec Triple H, puis une photo, puis il est comme de dos avec la ceinture, puis en tout cas. Ah ouais. Ah non, il est vraiment bon, là. Sinon, Le match, le four-way était malade. J'ai trouvé ça vraiment bon. Avec les luchadors, là. Les luchadors, là, c'était bon. J'étais tellement content que Dominic Mysterio gagne. Puis le pop, genre, out of nowhere, ce gars-là se fait huer avant qu'il parle tout le temps. Puis là, le monde sont comme « Yes, il a gagné! » Je suis comme « All right, c'est magnifique tout ça. Ah, » ouais. Moi, je l'aime, Dom Mysterio. J'aime son personnage. Ah, moi aussi, je l'aime bien. Là. Mais j'aimais bien aussi le squelette, là. Je sais pas c'est qui. Je savais qu'elle allait perdre. Là. Ah non, Penta. Ben, celui des quatre, là, qui est très... Qui est blanc avec la masque. Ouais, c'est ça, j'aime ça. J'aime ça, il bébite demain. Penta, ouais, c'est très cool, là, Penta. Tout ça. le match Charlotte Flair contre l'autre était pourri. Ouais, on l'a écouté pas tant, ça, en effet. Fait que ça, c'était, il y avait rien d'exceptionnel, il y avait des bons matchs. C'était bien, c'est de la lutte, là. C'était pas un WrestleMania que je vais me souvenir tant que ça, mais c'était quand même très plaisant à écouter, là. Ouais. Bien satisfait, c'est mon moment préféré de l'année, écoutez WrestleMania. Les Killer Bees n'étaient pas là, malheureusement. Non, maudit. Les gars, ils ont 70 ans, mais en tout cas, mais ça aurait été bon. Ça m'écœure aussi que Logan Paul lutte bien. Ça c'est vrai. Je l'ai haï, ce style-là. Ouais, parce je savais qu'il allait gagner. Là. Mais il est tellement bien. Genre, ouais, c'est ça. En même temps, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Quand t'as tout. Quand t'as tout. Vincent Raymond sur Facebook. Suite aux opérations poignées de Papa Cassette, comment va le rétablissement? Ben, comme je disais, là, ça va bien. Ça va très bien. Donc, très satisfait de ça. Ah, mais une petite anecdote très rapide. J'ai fait enlever... Dans le fond, tu te fais opérer. Une semaine plus tard, tu peux enlever ton gros bandage. Mais t'as tes points de suture encore. Fait que là, tu te mets un gros pansement comme ça. Et puis, une semaine après, là, tu vas se laisser te faire enlever les points. Pour moi, ça, c'était hier. Puis, ils te prennent un genre de petite exacto, là, puis des petites pinces, là, puis la madame Esti, elle m'a crissé un coup d'exacto direct dans la plaie. Ça s'est mis à saigner. Puis là, elle m'a mis des affaires de rapprochement. Oh, je suis désolé, c'est comme tabarnak. Puis là, elle met des affaires. T'as juste une job à faire. Oui, t'as rien qu'une job, tu sais. C'est de pas me couper, tu me coupes. Oh, man, tu sais, ça. C'est ça. J'étais pas très satisfait de ça. Elle était vraiment pas bonne, là, sérieux. Puis, mettons, elle me mettait la main là, mais elle laissait traîner l'exacto tout de suite à côté. Direct à côté de ma main, la lame proche. Comme, hey, là, gère ton poste, ton travail, gère tes outils, mets-toi une autre affaire à l'autre bord, mets tes affaires pointues là, sois propre. T'sais, c'était tellement random, là, en tout cas. Fait qu'elle m'a coupé, man. Coupé dans la plaie. Non, c'était... Ça n'a pas fait mal, mais ça m'a fait chier. Parce que là, elle dit, je te mets des petits pansements, faut que tu gardes ça 10 jours. 10 jours! Je viens de passer 10 jours! Il y a 10 jours, je me suis fait ouvrir la main au complet, puis toi, ta petite coupure de merde, ça me rajoute un autre 10 jours. Hey, fuck off, là, j'ai enlevé ces affaires le soir même, puis je me suis remis un pansement comme ça, puis ça, je vais faire un 5 jours avec ça, mettons. Les professionnels qui font pas leur job. Oh là là, elle était super fine par contre. C'est pas de sa faute, je me sens mal de bâcher, mais ça m'a un peu fait chier quand même. Tu sais, quand j'étais jeune, ma mère, genre, qui me coupe les cheveux, puis qu'elle me chope l'oreille, là, un peu. Puis comme, oh, la prochaine fois, on va aller, genre, à la coiffeuse, puis là, on y va, puis la coiffeuse, elle me chope l'oreille aussi. Je suis comme, hey, là, ça va être beau, là. C'est malade. Gabriel Landry. Salut les gars. Gars. Selon vous, à quel point les graphiques améliorent un jeu? Est-ce que les jeux qui sortent aujourd'hui sont en moyenne meilleurs qu'avant? Félicitations pour votre show, j'adore ça vous écouter. Ben, ça améliorera pas le gameplay. Non. Genre, il y a des jeux d'Atari ou de ce genre de très minimalistes qui sont super le fun. Fait que le gameplay à base, pour moi, fait le... Of course, mais ben, tu peux pas comparer, par contre, mettons, un jeu d'Atari avec Uncharted. Là. C'est dépend ce qu'il veut dire. C'est genre, il veut dire que, mettons, un GTA va être meilleur s'il est très, très bon en 4K, mettons, par rapport à être en 720. Ben, il sera pas meilleur. Tu sais, GTA 5 au PS3, tu sais, le GTA 6 sur PlayStation 6, mettons. Je veux dire, il va être extrêmement plus beau, mais il sera pas meilleur si c'est pas bon. Là, mais bon, là, ça va être la même affaire. Là, on s'en mais c'est pas le graphisme qui fait la différence pour moi, généralement. Là. Non, non, c'est ça. Moi non plus, je m'en fous complètement. On l'a bien vu dans les jeux de Kimulator Films. Ben, absolument, puis on le voit très bien dans Beyond the Ice Palace 2. Ça n'a pas besoin d'être beau là, pour avoir du plaisir. Ben voilà. Fait que voilà. Mais tu sais, si c'est beau, ça, c'est fun. C'est un petit ben, candy de plus. Ouais. On va le prendre le candy. Absolument. David Caron. Hello! Ça fait un certain temps que je vous écoute parler, Rétro Nouveau, et je me demandais quel genre de relation vous aviez avec les jeux vidéo durant vos belles années du primaire et secondaire. Aviez-vous d'autres passe-temps? Étiez-vous en paix avec la quantité importante de gaming que vous faisiez jadis? Personnellement, je vais avoir 40 ans cette année et les jeux vidéo ont eu l'exclusivité pour mon éducation côté musique, aventure, personnages et autres. J'avais 5 ans quand j'ai reçu mon premier NES, alors je n'ai jamais eu une vie avant les jeux vidéo. Ah ouais. Fait que dans le fond, la question... Il demande si c'était notre seul passe-temps quand on était jeune, primaire, secondaire, ou ça a pris comme par-dessus notre vie quasiment les jeux vidéo. Là. Moi, ça n'a pas pris par-dessus ma vie. Ça accompagnait. C'était une grosse partie de la vie, mais c'était pas juste ça. Là. Non, c'est ça. Puis moi, avec... Moi, j'ai 46. Fait que tu sais, c'était le NES, Super NES, là, quand j'habitais à la maison. Ouais, moi aussi. Je suis parti de la maison à 17 ans avec mon Super NES sous le bras. puis PlayStation 1. Tu sais, j'ai pas acheté les autres. Puis ça allait être PlayStation 1, en fait, la prochaine console que j'avais achetée. Mais là, je jouais presque plus parce que j'étais à l'école et j'avais pas le temps. Mais mettons, les RPG au Super NES, j'ai beaucoup aimé ça et tout. Mais moi, je faisais du sport, tu sais. Je jouais au hockey, je jouais au basket, je faisais du skate, je faisais du rollerblade. Ouais, moi aussi. Moi, j'étais un sportif. Vraiment. Puis le skate, puis me péter à la face, faire le party. Puis les jeux vidéo, c'était vraiment un accompagnement, mais c'était vrai. C'était pas du tout une passion comme ça l'est aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est apparu en 2010, là, tu sais. Parce que ça spike énormément, là. Moi, au primaire, c'était une passion entremêlée avec le hockey, puis les cartes de hockey, mettons, avec mon chum Jeff Mallette, là. Fait qu'on faisait que ça les fins de semaine, là. C'était gaming, checker le Beckett, nos cartes qui ont monté d'une scène. C'était-tu le fun, ça, hein? Ben, on allait chercher nos cartes, on arrêtait à chercher des bonbons, on arrêtait au club vidéo, puis on venait chez eux ou chez nous, puis fin de semaine à triper, là. Ah, man, le rêve, là. Puis après ça, au secondaire, moi aussi, j'étais pas très bon au sport, mais je faisais beaucoup de sport. Je faisais du sport après l'école. Mettons, j'ai joué au water polo très longtemps. J'étais super bon au water polo. J'ai joué du basket. C'est bien drôle, ça. Non, mais j'ai gagné des tournois de water polo. J'ai gagné des tournois de volleyball aussi. J'ai joué au hockey cosum, tu sais, à l'école, mettons, avec les activités après les classes, là. Ouais. Moi, j'écoutais dans les cours, fait que j'avais pas besoin de faire de l'étude après. J'allais faire le sport après. Fait que exact. J'avais compris très vite que c'est ça qu'il fallait que tu fasses, là. Mais les jeux vidéo étaient quand même présents, là. Puis après ça, rendu au cégep, il y avait une arcade à mon arrêt de boss, fait que j'allais à l'arcade. Premier appart, j'avais PS2 puis un Xbox, on jouait à Halo, fait que ça a peut-être été là un peu, là. Ouais. Mais ça n'a jamais pris le dessus comme « ce n'est que ça ma vie », là. Non, c'est ça. J'ai toujours eu d'autres passe-temps, d'autres activités, là. Cinéphile, j'étais à l'école en cinéma, fait que j'ai écouté beaucoup de films, beaucoup de séries, tu sais. C'est vrai. J'ai vrai. Très diversifié dans tout ça. Ben moi, quand j'étais à l'école, le design graphique était devenu une passion. Là, une passion. T'sais, ça m'empêchait pas de dormir la nuit à quel point je capotais là-dessus, mais j'étudiais là-dedans, puis j'étais bien full là-dedans, puis j'étais à l'université, puis on était beaucoup dans le art, puis la pureté, tout ça. On était très des artistes. Ouais, ouais. Puis ben, je le suis encore aujourd'hui. Mais y a d'autres facettes de ma personnalité qui sont ressorties un peu plus, puis il y a des affaires que j'ai laissé tomber, mais j'étais beaucoup ça aussi, là. L'art, le dessin, tout ça. Je suis pas bon en dessin, j'ai pas beaucoup dessiné. Mais les arts, bien sûr, c'est quelque chose qui m'intéresse, là. Mais les jeux vidéo ont tout le temps été présents dans ma vie, aussi longtemps que je me rappelle, par contre. Ouais, moi aussi, j'ai des photos de moi. Quand j'étais petit, mes parents jouaient à l'intellivision, j'avais 5 ans, là, tu sais. Puis, mon père jouait à Atari quand j'étais jeune, puis j'avais 5 ans, j'ai des photos de moi en train de jouer à Mario 1, là, genre, puis moi, j'aimais ça quand ils jouaient, puis je les regardais, tu sais. Mais moi, j'aimais jouer, puis ma tante qui me donnait les cassettes, genre 52 en 1, me demandait de passer des jeux pour elle. Quand j'avais 6 ans, genre des tableaux qui étaient pognés, là. Ouais, c'est ça. Mais je pense que le moment de ma vie, j'étais le plus. Ma vie était le plus englobée de jeux vidéo, c'est toute l'époque du début de Rétro Nouveau. Là. Exact. Là, ça a commencé à prendre une place importante parce que ça a mixé genre notre besoin de créer des trucs avec ça, justement. Fait que c'est, tout l'aspect créatif est tombé dans l'univers du jeu. Fait que ça a tout pris le dessus un peu pour ça. Là, mais... Absolument, absolument. Mais ça demeure, tu sais. Puis il y a une certaine époque avec la gang puis les chummies, tu sais, les jeux vidéo étaient vraiment le core. de tout, là, tu sais, tout le monde était deep là-dedans, tu sais. Puis avec le temps, ben, il y en a qui ont laissé tomber la collection, ouais. Tout ça. Fait que tout le monde prend ses laisse tomber ça ou va se tourne vers d'autres passions. Mais moi, ça, continue, là. C'est encore présent, on est là. On est là. On est en train d'en parler, on fait encore des wegs, genre, qui s'en, un qui s'en vient bientôt. Fait que tout ça est très cool. Exactement. J'ai hâte. Moi aussi, j'ai hâte. On va se taper des schmops, plein de projets, là. Alan Bernard, ma première question. En ayant vendu tes parts dans Arcane MTL, est-ce que ta vision a changé pour le futur de Retro MTL? De ce que je comprends, c'est que tu voulais consacrer plus de temps à ta boutique. Oui, en effet, mais puis oui, ça me donne l'occasion de le faire. Parce qu'en même temps, pendant que je suis ici chez Retro MTL à travailler ou whatever, il y a une affaire qui pop, le téléphone, tu sais, quand même, je check un peu. Moi, j'arrivais tôt le matin ici, fait que je faisais des affaires d'arcade. Avant que mon chiffre de Retro MTL commence, tu sais. C'était pas à tête. Des fois, à 5 heures, c'est là que ça commence l'action à Retro MTL. Les employés, hey, telle affaire. Fait que là, dans le boss, on répond. Le soir, je réponds. Fait que, ben, puis dans le jour aussi, là, des fois, tu sais, je programmais un post ou je faisais un petit truc, là, tu sais. Fait que là, j'ai plus rien de ça. Puis ça. C'est de se déloader un peu aussi l'esprit, là, maintenant. Là, c'est beaucoup de projets en même temps. Puis je veux pas remplir ça avec plus de Retro MTL non plus. Je veux apprendre à vivre sainement avec ça en moins. Puis je suis rendu là. Fait qu'on est les deux à la même place dans notre vie. On essaie de se déloader la tête en ce moment. Là. Totalement. Moi, je décroche pas à fin de semaine. Je travaille pas, mais je l'ai tout le temps dans le fond de la tête, mon projet. Je suis comme, c'est pas sain tout ça, là. Ouais. Faut qu'on puisse décrocher à un moment donné, puis on aime travailler puis se tenir occupé. C'est très malsain tout ça. Mais moi, pour vrai, à l'inverse, comme l'arcade, là, j'ai plus rien, puis ça me fait vraiment du bien pour vrai, parce que c'était tout le temps un plus, tu sais. Mais quand j'avais pas Retro MTL, l'arcade, c'était j'avais mon travail de travailleur autonome, mais c'était numéro un, là, tu sais. Puis j'étais hyper là-dedans, puis j'adorais ça, puis ça allait bien, puis tout. Mais avec le temps, tu sais, ça change. Mais travailleur autonome, genre, t'éteins pas des feux à la longueur de journée à faire du design graphique, normalement, je pense, là. Ben, c'est pas des feux, là. Non mais je veux dire, t'as ton horaire à gérer, mais t'es pas dans un meeting, puis ça va vite, faut que tu livres des affaires tout de suite, puis. Totalement pas. Fait contrairement à l'arcade que ça, faut que tu réagisses plus vite, mettons, ou à Retro MTL, mettons. Mais c'est ça, design graphique, travail autonome, j'aime mon horaire. Ce qui m'a permis de faire des soirées au Funzo, puis de faire la vente de jeux, puis de faire tout ce que j'ai accompli pour être payé en même temps que j'essaie de faire de quoi de mes passions. Fait que ça a été la clé pour moi, ça. Mais bref, là, j'ai plus d'arcade. Mais par contre, la fin de semaine, là, mes enfants sont grands, puis ils font leur vie beaucoup plus. Puis tu sais, on va pas au parc, là. C'est fini ce temps-là. Puis je m'en plains pas, même si ça me manque des fois. Mais j'ai comme envie de travailler, tu sais. Moi, pas travailler pendant trop longtemps, je deviens anxieux, genre. Je suis pas bien. Après deux semaines de vacances, là, j'ai hâte de recommencer. Mais c'est-tu pas travailler ou pas faire quelque chose d'utile ou de genre pas de création? Faire quelque chose, en effet. Parce que là, je jette mon dévolu sur les travaux pratiques à la maison. Je répare tout, je gosse tout, puis je veux faire des tablettes dans le sous-sol puis tout ça. Parce que sinon, je reviendrai ici de travailler tout le temps. Est-ce que ça assouvit ton besoin de travail, ça, de le faire chez vous? Parce que c'est pas du travail, mais c'est un genre de passe-temps. Là. Oui, ça me fait du bien. Bon. Faut que ça me garde occupé. Quand j'ai pas. Flâner, ça te tente pas. Là, flâner, faut vraiment que je sois brûlé, là. Puis je suis comme là, je suis veg. C'est pour ça que je vais pas dans le sud aussi. C'est assez rare, je fais ça. Dans le ah sud, non, c'est pas de trippant. Parce que je suis comme. Après deux jours, je suis comme, mais là, c'est plate, là. Chris, je fais de l'anxiété. Moi, je me book des activités dans le sud, ce que je faisais tout le temps quand j'y allais. J'allais faire des expéditions, puis tout. Au moins, ça te garde occupé, c'est cool, là, mais. Ah oui, ça te prend des projets. Faut que ça bouge, là, un peu, là. C'est... Ah oui. Moi, je suis pas capable. Tu sais, être veg, là. Ouais. Des journées entières, comme je viens de faire pendant deux semaines. Au moins, j'avais Sea of Stars. Mais outre ça. Man, j'étais veg, là, pis Chris, c'est vertigineux. Genre, ça me déprime. Ah, mais moi aussi, complètement. Puis là, je le suis chez nous, veg, depuis un bon bout, à cause de ma job et de mon gars qui prennent toute mon énergie. Fait que ça me fait capoter, parce que je suis comme, faut que je fasse de quoi pour moi, là, pis je suis comme, pas capable. C'est juste trop d'énergie à qui ça demande en ce moment, là. Exact. C'est drainant, tout ça, là. Non, c'est pas évident. Pis tu sais, moi, ma blonde. Pointe une piscine, t'as de garde occupée, quoi. Oui. Ma blonde, des fois, elle me disait, t'es pas heureux avec nous autres, là, tu sais, tu veux retourner. Non, c'est pas ça, je suis très heureux, mais tu sais, comme les vacances, c'est les vacances, puis c'est fine, là, puis tu sais, j'aime ça, mais j'aime aussi, comme, bâtir de quoi, faut que j'accomplisse quelque chose. Ouais, ça n'a pas de rapport, ben, tu sais, je peux comprendre. J'ai pas envie de revenir prendre des emails, tu sais, puis gérer cette marde-là, mais tu sais, j'ai envie de, Chris, avancer des projets. T'accomplir un peu. M'accomplir. C'est de l'accomplissement personnel, là, tout ça. Là. Exactement. Retro Gamers Fan. En sachant que les précommandes de la Switch 2, est-ce que ça vaut la peine pour vous de l'acheter Day One? Ou... Bon, on a pas mal répondu, c'est ça qu'il disait. Okay. Voilà. Voilà, c'est fait. Rémi Chabot, vous pensez quoi des cartouches de Switch 2 sans le jeu dessus? T'sais, on en parlait tantôt. Chabot. On en a parlé dans le chat. Ben, c'est plate. Moi, je trouve ça plate qu'il n'y ait plus toute sa cartouche. Mais s'ils veulent faire des cartouches, ben là, ça marche plus. C'est, je pense, c'est tranquillement gros, vers le numérique exact. Seulement. Exact. C'est pas du digital. Juste il n'y aura peut-être pas d'autres consoles de Nintendo qui auraient des. Ça se pourra. Des affaires physiques. La prochaine console qui ne s'appellera pas la Switch 3, si on peut déjà le dire. Probablement j'espère, pas. J'espère, sinon. Je sais pas. Ça dépend comment la 2 va aller, mais là. Je sais pas, on dirait que j'appréhende que ça aille pas si autant qu'ils veulent. Ça arrive. En tout cas, je sais pas. C'est cher. C'est très cher, ça. Tipat Doyon. Tipat! C'est quoi ton top 5 de la série Blaster Master? Il n'a pas été demandé l'autre fois. Mais là, il dit, voici la liste des jeux. Blaster Master au NES. Blaster Master au Game... Blaster Master Boy au Game Boy. Blaster Master 2 au Genesis. Blaster Master Enemy Below au Game Boy Color. Blaster Master Blasting Again au PlayStation. Aïe. Blaster Master Overdrive en WiiWare. Et Blaster Master Zero 1, 2, 3 sur Switch. Il y en a eu 3. Je pensais qu'il y en avait juste fait 2. Ah, oui. Ah non, il y en a eu 3. Puis il y a même une petite slip package pour mettre les 3 dedans. C'est super beau. Wow. Ben écoute, moi pour la nostalgie, ça va être Blaster Master NES en premier. Ensuite, la série 1, 2, 3 sur Switch, là, les Zero, c'était absolument bon. Puis pour vrai. Toutes les autres, sur lui, Overdrive, sur WiiWare, c'est lettre. Mais on parle d'un jeu qui était lettre puis qui était bon. Ouais, ouais. Moi, je l'ai trouvé correct, ce jeu-là. J'ai eu une forme de plaisir. Enemy Below au Game Boy Color, c'est comme le Blaster Master 1 au NES, mais refait, puis très labyrinthe. Puis j'aimerais posséder le jeu physique, puis je l'ai pas. Puis quand je chase, ça, c'en est un que je continue de chasser. Mais j'ai pas joué vraiment. Blaster Master 2 au Genesis, c'est une catastrophe et une vraie honte. Blaster Master Boy au Game Boy, c'est un Bomberman. Okay. Puis je l'ai fait dernièrement, puis là, je savais pas, mais il faut garder tes lampes parce qu'il y a des niveaux qui sont complètement noirs, dans le noir. Puis tu sais, quand tu meurs, tout ce que tu accumules dans le jeu, c'est ça. Tu sais, tu les gardes pas en mourant. Fait que faut que je le refasse, puis là, ça me tente plus. Puis le jeu de PlayStation 1, qui est comme un Blaster Master 3D, étrangement, GameSack en a fait une bonne critique. Moi, j'ai pas tant aimé, là. En fait, j'ai pas aimé du tout. Là, je trouvais ça dégueulasse, puis 3D. Ouais. Mais ça, c'est peut-être moi qui n'est pas capable d'apprécier. Ah, le 3D. Ouais. Fait que toi, JF, Blaster Master, t'as j'ai pas tant d'expérience. J'ai joué à lui du NES, puis le premier Blaster Master Zero. That's it. Ouais, bien exactement. Aimé les deux. Ah ouais, le Zero, là, c'est wow. Puis ça, c'est un très bel hommage aussi au NES. Alors, voilà. C'est quoi ton top 5? Il y a genre 5 jeux. Que... Le v'là. NES, puis toutes les autres, puis après ça, ben, ça serait Boy pour moi, parce que c'est le seul que j'ai joué. Ah ben, Overdrive, Boy, puis fuck le reste. Charles Trudeau, si t'avais un budget limité, quel full set aimerais-tu faire? Toutes. Ben... Rendu là, illimité, donne-moi toutes. Non, mais faut en choisir un. Un, ok. Ben, I guess Switch. Je m'en ai dit Switch, moi aussi. Parce qu'il y a tellement de stock, puis c'est ce qui est le plus récent. Puis il est super dur à faire. Ouais, fait que ça. Si tu me le donnes gratuit, le full set, je prendrais Switch. Mais j'ai, tu sais, c'est pas un désir que j'ai, par contre, du tout. Fait que pour vrai, je suis bien à l'aise avec mes trois full sets. Je te dirais que des fois, j'ai quasiment envie de faire celui de 64, y'a que pour... Ah, compléter le gris. Quoi que ça prendrait aussi Virtual Boy, parce que les cassettes sont grises. Mais ça, c'est facile. Ouais, ouais. Le Virtual Boy loose. Mais y a genre 5 jeux, ben 10, ish, je me rappelle plus. Le jeu le plus cher, même pas si cher que ça, en bas de 1000$. Fait que 64, y'a que pour le LOL, puis jamais y toucher. Ah ouais. Mais ça m'intéresse pas parce que j'aime pas ça. T'sais. Moi, j'ai pour du vieux, genre Atari Coleco, mais tout en boîte, le mint. Là. Ah, ben, tout ça mint. Là. Full set Atari 2600. Tout ça, mais en boîte mint là, dans des plastiques. Hey, là, genre, ah ouais, ah, ça serait beau. Là. Regardez ça, peut être chaté de la journée. Là. Ah, tout. Je pourrais même plus sortir de la maison. Prendre des pauses l'après-midi à la job avec mon café, juste être devant en culotte. Là, faire comme, ouais. Tu sais, des jeux là-dedans comme Red Sea Crossing qui valent 30 000 piastres. Je sais pas quoi. Mais le budget a été limité. Ouais, fait, les ai toutes. Ben oui, Atari 2600, man, ça va être ma réponse. J'aimerais beaucoup posséder tous les jeux existants d'Atari 2600. Ça serait une scène. Le Québécois gamer et le petit lutin. Ah oui, eux autres. Qui dit, va y avoir du Porto. Mais ouais, sa photo, mais non, il n'y aura pas de photo. Photo coquine. Ça. C'est juste pour vous aguicher. Carl Leduc. Quel jeu rétro vous font entrer dans la zone quand vous jouez? Évidemment, je parle des jeux dont seuls les réflexes vous font agir sans penser et non pas des RPG. Frequency, amplitude. Ah. Moi, j'embarque là-dedans et je suis genre... mes yeux sont rivés à l'écran puis je bouge plus. Et je fais tout à perfect ou à peu près. Là, Ah ouais, hein? Je deviens genre... Ça devient des réflexes mécaniques là, à un moment donné là, de jouer à ça pour moi. Là. Ah ouais, t'as joué beaucoup. Hein. Ah, le CD de démo de Frequency qui venait dans un PlayStation, je sais pas quoi, là, dans une revue, là, je l'ai tellement joué puis je les ai achetés. Après, je les ai joués. Là, c'est... Jeux musicaux, j'aime beaucoup. Fait que ces deux-là sont tout assez dans la zone. Sinon, je vais dire... Charles Palmer Pro Snowboard au PS2. Ah ouais. De la série Activision O2. que j'aime beaucoup, que j'en rentre dans une zone aussi, je suis assez. Je suis imbattable à ce jeu-là. Très chic tout ça. Très chic. C'est mes réponses préférées. Ben, moi, ça va être des jeux que je connais par cœur. Fait que je vais y aller avec Castlevania 1 au NES et Contra 1 au NES. Parce que je sais exactement où sont tous les ennemis, toutes les balles, toutes les affaires. Fait que tu sais, je pense pas et je joue à ça, puis ouais. Ça me détend. Puis si je pouvais speedrunner des jeux. Si je voulais me forcer à essayer de speedrunner des jeux, I guess que ça serait ces deux-là. Mais j'ai pas de jeu, comme tu dis, de fréquence ou de rythme ou de Tony Hawk auquel je suis assez, mettons, habile pour que ça, je tombe dans une zone. Guitar Freak à l'époque, au PS2, ouais. Là, avec la guitare plastique, là, je suis tombé dans une zone aussi là-dedans. C'est ce genre de jeu-là là, qu'il faut que tu Guitar comme... Hero à un certain moment donné. Faut que tu prennes de l'ultra focus, là, c'est t'as ouais. Pas le choix, là, c'est ce genre de jeu-là, ouais. Absolument. Simon Lahaye, quelle relation entretenez-vous avec la séduction? Ça va, Simon? C'est quoi la séduction? On est pas... La vraie séduction, là? Les... Quel rapport avec la séduction? Je sais pas, là. C'est-tu les boutiques séduction? C'est parce qu'on est dépassé de la Saint-Valentin. Ah, je sais pas, là. La séduction, ben, je séduis... Ça peut pas être très en séduction. Je séduis personne, depuis longtemps. Ben, j'essaie de séduire ma conjointe, mais tu sais, ça fait 21 ans, on est ensemble, fait que tu sais, des fois, il y a un petit peu moins. Faudrait, c'est important. Puis toi, JF, en fait, t'es célibataire, donc tu dois être tout le temps en mode ouais, séduction. Oui, dans mon seul à regarder la télé. Là. Ah ben là, faudrait que tu sortes séduire. Faudrait que j'aie du temps et de l'énergie pour faire quoi que ce soit de plus que de travailler puis de m'occuper de mon cas. Oui, là, mais moi, je suis le gars awkward probablement en première date parce que genre le premier contact est très awkward de mon bord. Je fais beaucoup d'anxiété sociale, mettons, là. C'est bizarre ça d'un gars qui s'en va à Vegas tout seul dans le désert. Ah, mais je suis seul, tout le monde s'en calait. C'est pas ça, me regarde à Vegas. Hein. Je suis okay, pas. Fait que toi, t'es bien à l'aise. Je suis pas en train de voir du monde puis de me présenter à du monde. Puis c'est ce bout-là que j'haïs. C'est ça que t'es moins à l'aise. Là. Le bout de me présenter. Je connais quelqu'un, après ça, je vais y aller. Genre, j'ai eu une première rencontre, c'est fait, là, après ça, je vais être correct. Là, mais le. OK. La nouveauté me stresse beaucoup dans la vie. Ah, c'est intéressant. Pour ça que je me challenge d'aller à des places comme Vegas, mais au moins, genre. Nouveauté, mais je suis tout seul. Pas que, besoin de parler à personne. Je parle au chauffeur de taxi là, qui vit ce monde-là. Là, mais, vous voulez voir un autre drink? Ouais, amène-moi un rum and coke pendant que je prends mon argent dans les machines à sous. Ben, mesdames à la maison, s'il y en a qui écoutent, sachez, bonjour. On a un bon prospect ici. Il y a tout ce qu'il faut. Je voulais avoir un gars brûlé qu'un enfant. Ah, c'est ça. Mais t'as pas besoin de quelqu'un pour t'aider avec ton enfant. Oh non, t'es 100% autonome au niveau de la nourriture fais de l'enfant. Je la bouffe, je m'occupe de mon enfant. Exactement. Je travaille, je suis un professionnel. Tu cherches pas de mère, là. Toi, t'es 100% autonome. J'ai besoin de plaisir. Exact. Exact. Une coupe de câlins aussi. C'est parfait, ça. C'est parfait. Là. Vos Lovers. Je suis allé une fois au Lovers. Mallette, il s'était allé au Lovers, mais genre, comme 10 ans. Genre, il avait comme début trentaine, puis il allait au Lovers. J'étais comme, dude, va pas là pour te matcher, esti. Mais moi aussi, quand j'étais jeune, mon ami jeune, on avait 25 ans, il disait, on va au Lovers, esti. J'étais allé là, c'était drôle. Je pense que ça existe. Mais ça n'existe plus, là. Il n'y avait pas un chez nous à la prairie dans le temps, ou à Brossard, en fait. C'est un bon concept, quand même. La belle époque, ben oui. C'est une bonne idée. D'une mine d'or. JC Goyette. Bonsoir, messieurs. Mise en situation pour... Ah, là là, pas un scénario. Ah, j'espère que ça sera pas trop compliqué. Mise en situation pour Dom, quoique Jeff peut répondre aussi. Un client entre chez Retro MTL pour l'achat d'une Wii, expliquant qu'il aime la librairie. Lui conseillez-vous un Wii standard pour aussi mousser des ventes potentielles de jeux GameCube ou deux, une Wii U pour lui inciter à se procurer des jeux sur cette dernière? J'aurais pu utiliser d'autres consoles rétrocompatibles comme exemple, mais les combos Wii, GameCube et Wii U me semblent plus accrocheurs. Continuez votre bon travail et bonne soirée. La Wii U est rétrocompatible avec les jeux de Wii, dans le fond. Exact. Moi, je suggérerais une Wii U tant qu'à ça, tant qu'à être dans le bas de gamme, mais c'est monde une coche, pas si tu vas avoir une autre librairie qui va s'ouvrir à toi. Là. Exact. Mais il faut que tu fasses attention parce que, mettons, une Wii, c'est 100$. Puis, ouais, ça dépend du budget. Le Wii U, c'est, je pense, 200. Puis, est-ce que tu vas là-dessus pour le motion control ou tu y vas pour les jeux? Ouais, c'est ça. Mais définitivement, si la personne a un budget, puis c'est peut-être quelque chose que tu peux demander pour commencer. Parce que si la personne arrive pour elle veut une Wii, tu dis. Pour jouer à quoi? C'est pour qui? Probablement, c'est toujours pour les enfants. Ouais, ouais. Mais si vous avez un budget un petit peu plus, définitivement qu'une Wii U vaut la peine. Puis, c'est ça qu'on a en overstock ici. Les Wii U. C'est ça qu'on a le plus. On en a, man. Des Wii U, on en a tellement. Mais c'est une bonne machine, là, parce que t'as deux librairies complètes. Ouais, ouais. Il y a du stock là quand même. Et puis, c'est pas la console qu'on avait de besoin. Mais aujourd'hui, c'est une très bonne machine pour le monde sur un budget. Et puis voilà, fait que mais sans vouloir insulter la personne, si la personne n'a pas de budget, ben oui, le Wii standard aussi, là, en effet. On en vend plein des Wii en passant. Toutes des bonnes machines, ça. Toutes des bonnes machines. Puis je pense, on fait pas de différence au niveau du prix entre la rétro-compatible GameCube ou l'autre. Mais tu sais, si la personne achète une Wii puis elle est sur un budget. Tu veux pas non plus dire achète des jeux de GameCube parce que c'est fucking cher. fait que c'est un peu. C'est un peu un non-sens, tu sais. Mais bon, tant qu'à pour le même prix, c'est aussi bien de l'avoir rétro-compatible aussi. Hein. Exact. André Simard, c'est quoi la pire question du public que vous avez eue? Celle-là! Celle de Simon, c'est la séduction. Non, c'est les pires, c'est les tops à Nick à chaque semaine, genre de... Le gars, la balle molle. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Toujours pour nous pogner. Il fait exprès pour nous troller, lui. Non, mais tu sais, il y a les mêmes questions qui revenaient. Genre, comment vous vous êtes rencontrés? Puis t'as répondu 500 fois à ça, mais c'est pas les pires questions. C'est juste que c'est de la répétition d'affaires qu'on a déjà dit. Passe-moi dans un Scott Towel. Faut que je me mouche, guys. Je suis absolument. Dans un Scott Towel, comme un riche. comme un riche. J'avais dit que j'allais m'amener une boîte de Kleenex. C'est vrai. Complètement oublié, puis là, je vais pas me lever. On se mouche un Scott Towel comme des riches. Ici, c'est des bidets à grandeur aussi pour les toilettes. Là. C'est... on lésine pas ses dépenses. Non, monsieur. Alors, Dominique Ostigui, raconte-nous les meilleures histoires absurdes qui est arrivées dans tes commerces. Exemple, un client qui chie dans un lavabo. Il est tout le temps intense, hein, ce Dominique Ostigui-là. Moi, j'ai déjà dit l'affaire d'un Inuit qui avait chié à l'hôpital, genre dans une cage d'escalier, dans une bouche d'aération. Oui, puis c'est toi qu'on avait mandaté d'aller. Que je dînais, t'étais pas supposé le faire. Et je dînais, là, fait que c'était cool. Là. Ah, ouais, ah, ouais. Puis dis, extra mini question en bonus, quel fut ton perso préf dans Sea of Stars? Étrangement, j'ai pas été en amour avec aucun personnage très intensément dans Sea of Stars. Mettons comme j'avais beaucoup aimé Cyan dans Final Fantasy 3. Donc Final Fantasy 6. Ces affaires-là. Dans Sea of Stars, je les aimais tous ish égal. Mais il y en a un que j'aimais moins. Mais je vais pas le dire lequel parce qu'il arrive plus à la fin puis ça va spoiler un peu. Fait que voilà. Et Benoît Landry qui répond à Dominique Ostigui qui dit « Haha, perso, j'oublierai jamais quand ils ont publié qu'un client avait réussi à rentrer un card de Nintendo 64 dans une NES à Arcade MTL. » What the fuck? Avec la photo de Francis. C'est vrai. C'est très drôle, ça. Des histoires absurdes d'un commerce. Pour vrai, pour l'arcade, à part du monde funny qui faisait du trouble ou un gars qui avait sniffé dans les toilettes... ce genre d'affaires là. Moi, Ellie puis Brochu, qu'on a failli tuer Brochu en montant un arcade dans les escaliers puis on avait arraché un cadre de porte. Là, genre, ça, c'est vrai. Mais c'est pas un client, par non, contre. Mais, c'est du monde pas habile qui monte des arcades, là, effectivement. Là. Mais à l'arcade, des histoires absurdes. Il n'y a pas tant d'absurdité. Par contre, on a reçu des gens très hot. C'est quoi donc? Patricia Parker? Que Parker, la Madame Stark dans Game of Thrones, là. Ah oui, oui. Je me rappelle plus, là. En tout cas, elle. Quand, ben, où The New Day qui était venu. Il lutte encore? Coffee Kings. Oh, ils ont gagné les belts à WrestleMania. Ah ouais? Ouais, sauf que oui. Ah, j'ai pas ils sont méchants, là, maintenant. Ah, ils sont méchants. Parce que Biggie est plus là. Ok. J'aurais manqué le début. Il s'est cassé le cou, Biggie. Là. Ah, c'est atroce, ça. Ouais. Fait que voilà, puis pour le magasin, c'est toujours un peu drôle quand il y a du monde qui rentre pour nous demander si on vend genre des DVD de porn. ça arrive, c'est déjà arrivé. Wow. Ou que... Plumbers Underwear Type, voici édition physique PS5. Exact. Ou on achète un lot à quelqu'un, tu sais, de jeu. DVD de porn dans un des affaires. C'est drôle. Fait que... Un enfant qui avait caché un DVD de porn à son père dans un DVD. Wow. Fait que la porn d'un lot puis la porn sont tout le temps absurdes. J'ai jamais tombé sur des DVD de lutte indépendante de québécoises des années début 2000 que j'étais dessus, genre. Où... Ah non, ça, on n'a pas eu ça. Serais-tu malade, ben? Mais des photos d'enfants dans des boîtiers de jeux DS, des lettres aussi, des lettres très intenses. Ah, on est tombé là-dessus un moment donné d'une fille à son père. Non, d'un père à sa fille qui disait « Ah, j'étais pas là, tu sais, puis vas-tu me pardonner? » Des affaires très deep. Qu'est-ce que je suis dans un jeu? Elle va le trouver, puis elle va me comprendre, puis genre, ça a été vendu. Puis... Mais c'était dans des jeux PC, puis tu sais, on rachète pas les jeux PC, mais on avait acheté un lot, puis la personne avait juste comme pitché les jeux PC. C'est une question que j'avais. Puis on lui a dit « On n'achète pas ça. » Ça. J'en ai un paquet chez nous que je vais on rachète pas ça, on les met en liquidation, mais tu sais, on le dit aux gens, puis les gens nous les laissent. Ah, ben ouais. Fait qu'on fait pas trop de recherche. Puis on met ça à un prix pour que ça parte. Mais puis le monsieur, il avait laissé ces lettres-là dans ses jeux PC, puis il l'a jamais donné à sa fille. Puis moi, j'ai retrouvé sa fille sur Facebook. Pour vrai? Là, j'ai écrit, tu sais, j'ai retrouvé une personne, puis c'était pas elle, c'était comme la nouvelle blonde du monsieur. Okay. Puis là, elle m'a dit, ouais, ça c'est sa fille, mais non, il faut pas y envoyer. Ou un astuce à faire. Ah ouais, t'avais poursuivi des recherches là-dessus. Wow. J'ai cherché, puis j'ai dit, Chris, c'est trop deep, là, c'est important. Il y a peut-être une famille qui va se ressouder avec cette lettre-là, tu sais, que j'ai entre mes mains. Et puis, c'est malade. C'est wow. Malade. Wow! Voilà. C'est une hot, c'est comme histoire. Belle expérience. Mais finalement, non, il voulait rien savoir. Ni non, finalement, mais... Il a brûlé ça. C'est comme, OK! Cool, c'est une évidence. Ouais. Pascal Gertin. Pascal. C'est plus un sujet qu'une question. La hausse des prix des consoles et jeux depuis l'annonce de la Switch 2 et les folies de Trump. Bon, on en a parlé, en fait. Ouais, beaucoup, là. On a parlé pas mal. Après avoir adoré Sea of Stars, un autre RPG t'intrigue? Non. Même pas le remake de Mario RPG, là, ou... Non, je sais pas, je m'en fous un peu de ça, pour être franc, mais je me dis, peut-être que je devrais le faire, le remake, tu sais, ça, parce que c'est pas 35 heures, là, c'est genre 10, même pas. C'est rapide à ce qu'on me dit. Fait que peut-être je devrais le faire, mais tu sais... Prochaine convalescence, là. Tu devrais essayer Octopus. Ouais, c'est ça, j'ai pas assez de convalescence. Mais si j'avais d'autres convalescences, j'en ferais. Mais on me conseille Octopath Traveler. J'ai vu quelqu'un qui m'avait écrit en commentaire sur Fenêtre des cassettes. Tu devrais faire Dark Cloud. Affaires, moi, j'irais sur genre Dragon Age 3, tout ce genre. Là, ah ouais, PC, un gros là. Projet. Genre, hein. Genre, jouer de ce genre de jeu-là. Il y a un bout que j'ai joué à ça, mais ça fait longtemps. Là. Moi, je pense que je m'essayerais sur ceux-là de Super NES que j'ai pas fait à l'époque. Genre Breath of Fire 1, ouais, Breath of Fire 2. Je m'essayerais peut-être sur les Lufia. On dit les Fantasy Stars dans le chat. Ouais, ouais, c'est des gros jeux. Born to be Wild. Fait que peut-être. Et on aurait ici la dernière question. Ouais. On arrive 5 minutes avant 10 heures. Parfait, ça. Chris. Laurent qui nous demande c'est. Chris. C'est quoi les meilleures questions à poser pendant une entrevue d'embauche? Hey, c'est tough. Moi, j'ai jamais fait de ça. Ouais, ben, je l'ai fait à la job, mais très, très brièvement. Là. T'as jamais passé du monde en entrevue? Non, mais c'était juste comme, oh, on pense à tel développeur offshore, tel développeur qu'on voudrait embarquer sur le projet. Peux-tu genre faire un 15 minutes avec, puis genre checker que ça a de l'air? Mais c'est tout ce que j'ai fait. Là. Ouais. Puis c'est du monde déjà engagé, mettons, par la compagnie, mais on va-tu le staffer sur le projet ou pas? Là? Mais embaucher du monde, ça m'est jamais arrivé. Là. Ah ben ici, tu vois, on vient d'embaucher une personne la semaine dernière parce qu'il y a une autre personne qui s'en va. Ben, il n'y a pas eu de problème. La personne était supposée rester. La personne qui s'en va était supposée être ici pour quelques semaines seulement, puis elle s'en va, fait que là, on a besoin. Okay, okay. Mais on a une bonne rétention d'employés d'ailleurs, là, présentement. Ça va super bien. C'est cool, ça. Oui, très heureux. On a une belle équipe. Et puis, ben, on pose des questions. Du staff qui ferme les lumières à 8 heures pile, comme on a vu tantôt. Ça, c'est... Parce que mon staff, il ici, là, on a une fenêtre, là, genre. Mais quand on podcast ici, on commence à 8. Puis là, on est le jeudi. Ouais, ouais. Puis le jeudi, on c'est ferme vrai. À c'est 8. Vrai, c'est la crowd du jeudi. Fait, c'est la crowd du jeudi parce qu'on voulait pas le faire hier pendant la game du Canadien. C'est ça. Ça arrive tellement pas souvent. On va au moins garder le exact. Privilège. Là. Fait qu'on a, exact. Puis on pouvait le déplacer. Fait que bref, là, mon staff, il sait pas, mais j'ai vu qu'ils ont à 8h01, les lumières se sont fermées. Je pense à 8h pile quand on est parti, genre le ah, ouais, ouais. Là, je l'ai regardé un peu, je trouvais qu'ils étaient sur leur selle pas mal. Mais j'aurais dit prendre en photo pour leur montrer de main là. Ouais, là. Ouais, non, mais c'est pas ce genre là. Il va être stressé. Puis je suis aussi. Non, mais exact. T'sais. Mais non, mais je sais qu'ils travaillent fort là, ouais. La fin. C'est comme. La fin de chiffre, là, tout le monde. Il y a un employé là qui c'est notre employé de semaine, puis elle travaille fort tout le temps, tu sais, puis elle se donne, puis l'autre il est là la fin de semaine, puis je sais que la fin de semaine sont dans le feu. Comme. Ben, je sais pas comme boss comment tu le vis, mais comme employé, tu peux pas être la pédale au plancher sans arrêt non plus. Totalement. Puis en tant que boss, exiger tu ça. Tu dois le voir comme qui fait une bonne job, puis t'es comme. Tu slack, mais c'est bien correct parce que tu travailles fort de l'autre bord. Fait que, t'sais, c'est donnant, exactement. C'est une balance. Là. C'est donnant. T'sais. Puis il faut vraiment pas être comme matamor puis être crissement intense là-dessus. Tu sais, je vais pas leur dire là, que. Ben, s'ils écoutent le show, fin de l'école. Je rigole, guys. Mais. Je comprends. Les boss sont pas là, là. Ils ont le droit de chiller un petit peu, là, pis de pas être tout le temps intense, là, t'sais, à côté. Puis c'est normal, puis c'est bien correct. C'est pas leur business ici, c'est un emploi. Puis ils vont pas être ici toute leur vie. Puis je comprends ça. Moi, du moment qu'ils font bien le travail et que c'est effectivement donnant-donnant et respectueux dans les deux sens, t'sais. Et puis c'est ça qui se passe présentement. T'sais, on est exigeant sur certaines choses. Puis s'ils se trompent ou c'est pas correct, ben ils s'ajustent. Puis nous autres, de notre côté, ben on essaye d'être justement totalement fair, puis pas asshole, puis être sur le dos de nos employés tout le temps. Là, t'sais. Mais on n'a pas à être sur leur dos parce qu'ils font dans l'ensemble un excellent travail. Normalement, quand tu as un excellent travail, tu devrais pouvoir te permettre ces genres de petits moments-là. Ben oui. Quand j'étais housekeeping à l'hôpital, genre moi, je prenais mes pauses, genre. 10 minutes plus tôt, genre 5 minutes après, ou des fois il passait, j'étais comme à côté de mon buggy, puis je faisais rien, puis personne me disait rien. Tout shinait, genre, sur l'étage, comme. Exactement. T'as rien. Vous avez une job pour du monde incompétent qui se plaigne de faire, genre, 2 heures de travail sur un shift de 8 heures. Je l'ai fait en 1 heure et demie. Fuck you, genre, collez-moi patience. Genre, c'était ça, là. Ben, totalement. Pis les bons boss vont le reconnaître, ça, genre. Exact, puis ils vont pas te donner de marde, tu sais. Ils donnent pas de marde, puis souvent, tu vas faire un petit peu plus parce qu'ils donnent pas de marde, parce que t'as un petit peu de marge, t'as du temps, genre. Fait que c'est ça, c'est du donnant-donnant, comme tu dis, là. Ben oui, puis tu sais, il y a un employé qui arrive en retard, mettons, un matin, à cause d'un bug, un autobus, ou whatever. Tu sais, on va pas y tomber sa tomate, là. Puis l'employé, habituellement. Si c'est à chaque jour, il reprend son temps sur l'heure du dîner, whatever, il s'ajuste, ou tu sais, il essaye de make amends. C'est pour ça, tu sais. Puis nous autres, on remarque ça, puis on tolère ça, puis c'est bien correct, là, tu sais. Sauf si c'est tout le temps à répétition, puis que tu flambes, puis que tu sais, comme on va intervenir. Ça, tes voix, là, ça aussi. Mais c'est ça, tu sais. Moi, je crois beaucoup en ça. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est paradoxal par rapport à la syndicalisation. Je vais repartir encore l'anti-syndical. Mais c'est parce que les gens veulent être protégés avec un syndicat. Ils veulent protéger leur emploi. Mais quand tu travailles correctement, ton emploi est protégé. Normalement, qui va te mettre dehors quand tu fais une bonne job? Puis si tu te fais mettre dehors parce que c'est de l'abus, mais va-t'en de cette compagnie-là parce que ton boss est un abuseur, genre, puis c'est comme, voyons, là. C'est exactement. Je peux comprendre ce point de vue-là. Fait, moi je trouve Tony Biz qui dit l'idéal, c'est un régime de peur. Ouais. Travailler! Comme dans le temps, travailler! Non, mais ça marche pas, là. De toute façon, les régimes de peur. Mais non, mais, là, c'est prouvé que ça marche pas, là. Mais bref, moi, j'ai tout le temps travaillé au privé dans ma vie, tu sais. Ouais, j'ai perdu des jobs, puis pas parce que j'étais un slacker, là, tu sais, mais des fois, injustement, là, quand même, je trouve. Mais je me replaçais ailleurs, puis il y a d'autres places, tu sais, qui m'ont aimé, là, énormément. Je me donnais, tu sais, comme. Moi, j'ai envie de travailler. Je travaillais à moi l'usine, hostie, puis j'avais envie de travailler. Je travaillais moi aussi, là. Je veux que la job soit bien faite. Puis je m'en calais, je suis un étudiant, je paye le syndicat, puis je suis même pas syndiqué en plus, tu sais. Je paye l'assurance des vitriers, puis si je me coupe un bras, j'y ai même pas droit, tu sais. Fait que je paye tout ça comme un hostie de cave. Mais moi, c'est pas ça, tu sais. Moi, c'est de faire bien mon travail. Moi aussi. Exact. Moi aussi, présentement aussi. Genre, livrer des projets, de faire de la job de qualité. C'est ça que je veux faire. Peu importe. Comme on faisait pour être au nouveau, comme on fait là, tout le temps, comme. Travaillons puis faisons de la bonne job. C'est souvent le même temps de faire une bonne job qu'une job botchée puis le monde astie qui se pogne le cul souvent pour rien. Puis tu payes pour ce monde-là après parce qu'ils sont pognés le cul au lieu de faire leur job dans le même temps que tu l'aurais fait correctement. Ben parce que c'est pas chialé. Plus long de bien faire le travail. Exact là. Totalement. J'ai tout le temps pensé ça là. Exact. Fait que non c'est puis c'est tout le temps quand t'as des bons employeurs tu sais. C'est tout le temps donnant, là, tu sais. Mais moi, nous autres, on est une petite PME, là, ici, quand même, là, tu sais. Bon, là, c'est tout le... Puis là, à l'inverse, quand tu vois jamais... Ah, les boss s'en mettent plein les poches, puis nous autres, on n'a pas une crise de scène, tu sais, mais... Je l'ai pas vécu, ça. T'sais, je peux pas le dire. Là. Je sais pas, pour être franc. J'ai pas vécu ces situations-là où est-ce que moi, je sentais que j'étais sous-payé par rapport à des boss qui ont de l'argent. Mais tu sais, quand je travaillais, je faisais des fucking portes de douche, là. Le boss, là, le propriétaire de Max, là, qui fait des bains puis des portes de douche au Canada, là, puis qu'il y a un chiffre d'affaires de, oh, mais c'est 200, sa business, de 100 c'est... millions, là. C'est sa business, par exemple. C'est... Il mérite en tabarnak sa Mercedes, ce style, puis son bateau, man, puis son chalet, puis sa maison à 2 millions. Le bout où je serais pas à l'aise, c'est que, mettons, Retro MTL, vous avez tout pas d'augmentation, mais Dom s'est fait 100 000 de plus dans les poches cette année. Exact. Tabarnak, genre, ça, c'est sûr, c'est de l'abus, là. Mais... Ben non, c'est ça, tu sais. Mais quelqu'un qui fait plus d'argent que ses employés, c'est tout à fait normal quand c'est ta business. Ben, là, c'est nos risques. C'est moi, c'est nous autres, c'est nos maisons. C'est ça, c'est ta tête qui nous sommes bouchés, là, au bout de la ligne, là. Puis c'est nos cautions personnelles sur le bail, sur les prêts, sur tout ce qu'il y a ici. Je veux dire, c'est nous autres là, qui vont prendre le hit si ça ferme ici. Là. C'est notre responsabilité que ça ferme pas. C'est notre responsabilité de protéger nos employés, puis qu'il y ait un beau climat, puis que tout le monde travaille bien, puis d'essayer d'offrir de l'emploi, que c'est plaisant. Puis on, toute cette responsabilité-là, ça mérite le salaire qu'on peut se donner au maximum sans brimer le développement de la compagnie et sous-payer nos employés. Simple, tu comprends? Puis un poste, il y a une, tu sais, ça a une valeur là, comme le poste. Tu peux pas juste comparer des chiffres, il y a des ramifications, tout ça. Il faut que tu prennes en considération un paquet de facteurs quand tu compares des chiffres aussi. Là. Exactement. T'sais. Puis il y a la valeur d'un poste aussi. Là, ici, c'est des postes. C'est pas des, on n'est pas SNC-Lavalin. Là. On n'engage pas des ingénieurs. Là. Fait que tu sais, un ingénieur, ça a un salaire, mais ici, un employé magasin qui vend des jeux la fin de semaine, c'est pas une carrière. Mais le monde chez SNC-Lavalin, ou mettons, où est-ce que je travaille, genre, où est-ce que tu drives des projets de plusieurs millions, exactement. La responsabilité est beaucoup plus grande que de gérer des clients des cassettes, des jeux. Exact. Puis du monde qui vient de vendre la porn. Puis, des lettres à leurs enfants déchus. Là, Tony Biz qui dit « Les meilleurs employés, c'est ceux qui connaissent mieux le guide syndical que leur propre job. » Hey boy, ça doit tellement être les pires. Il y en avait là, des caricatures quand je suis à l'hôpital de tout ça. Là, genre, des pro-syndicalistes. Là. Des syndicalistes professionnels, en fait. C'est ça leur job plus que la vraie job qu'ils font. C'est ça. Hein, c'est fou. Là. Mais je me demande... T'as-tu vu? Là, des fois, je me dis que c'est parce que ces gens-là, ils manquent peut-être de challenge au travail. Puis ça leur donne comme une raison. Ça leur donne comme possiblement un but. T'sais, possiblement. Des fois, je me dis que c'est ça un peu aussi. Peut-être. T'as-tu vu le... C'est quoi? Le déclin de l'Empire américain. L'autre, le deuxième qui a fait... Là, Ouais, les invasions barbares. Ouais. Il y a un personnage qui est joué par Jean-Marc Parent dedans, qui fait genre le boss du syndicat. Ah ouais. C'est pas tant une caricature. C'est assez vrai, ça. J'ai regardé puis j'ai comme fait... Je peux mettre un nom sur ce personnage-là qui est vrai dans la vraie vie. Là. Ah, c'est fascinant, ça. C'est absolument fou, là. Ouais. Fait que... Hey, j'ai pas répondu à la question, par contre. C'est quoi les meilleures questions à poser en entrevue? Donc... Il y a quelqu'un qui a répondu, genre, c'est quoi ton pronom? Non, mais on pose des questions. Ben, premièrement, pourquoi est-ce que... Des choses comme, pourquoi est-ce que tu penses que tu ferais un bon travail ici? Ben, on questionne aussi ton ancien travail, c'est quoi? Pourquoi tu changes de job? Pourquoi tu changes? Qu'est-ce qui se passe? Fait que, tu sais, des fois, quand les gens, il y a comme un gap, pas travaillé depuis longtemps, ou quitter l'autre travail, il n'a pas été là longtemps, tu sais, comme on essaie de connaître les raisons. Ouais. Puis ça, c'est intéressant. Et puis, on demande, on pose des questions, genre, c'est quoi une situation désagréable que tu as vécue à ton dernier travail? Puis comment tu as fait pour gérer cette situation-là? Ce genre d'affaires-là. Qu'est-ce qui arrive s'il y a quelqu'un qui tombe sa tomate à job? Tu sais, tu fais quoi? Bon, les jeux, t'aimes-tu les jeux? C'est quoi les jeux que tu fais présentement, que tu joues? Tu sais, mais ça, c'est comme un peu secondaire. Et quoi d'autre? Des questions comme ça, tu sais. Je sais qu'il y a d'autres, plein d'autres questions qu'il y avait dans un livre de les éditions de l'Homme, de Coach. Ah oui, avec nos amis, là. Oui, exact. Il y a un segment dans le livre « Bâtir une équipe gagnante », un livre Bob de Hartley. Coaching avec Bob Why? Hartley. Why? Bob Hartley. À la fin de ça, il y a plein de bonnes questions, tu sais, d'entrevues, puis c'est très intéressant, mais des affaires deep, là, des affaires personnelles, tu sais, qu'est-ce qui te passionne, toi, dans la vie? Ben là, on parle de jeux vidéo aussi, mais tu sais, c'est quoi que tu fais, tu sais, c'est quoi qui t'allume, toi, quand t'es... qu'est-ce que tu fais à la maison? C'est quoi ton rêve, tu sais? qu'est-ce que tu voudrais faire ici? Où est-ce que tu voudrais être ici? Où tu te vois dans 5 ans? Wow, tu sais, ouais. des affaires d'inspiration pour essayer de connaître la personne sous des angles un petit peu plus, c'est ça, personnel, tu sais. Là, on va pas deep de même, nous autres, dans nos entrevues ici. Là. Mais là-dedans, il y a plein de questions du genre, puis je trouvais ça bien intéressant. Il y a une vidéo sur Facebook aujourd'hui de BBM Sport avec Bob Hartley qui ramassait Patrick Laine solidement. Ah ouais, hein? J'en doute pas. Est-ce... En tout cas, pas... ce gars-là, c'est pas... On est-tu rendu au bout, là, ou est-ce qu'on finit en parlant du Canadien? On a fini les questions. Moi, là... Attends, Tony Biz dans le chat qui dit donne-moi les pires réponses. Les pires réponses. Ouais, je ferai pas ça. J'aime là, ça le oui. Puis je me batte à longueur de journée. C'est-tu long le travail? Je joue à des jeux toute la journée en pyjama. Non, je vais pas révéler les choses que les gens nous disent en entrevue là. Mais pour être franc aussi, je le révélerai pas. Mais je m'en, je m'en souviens pas non plus aussi, là, on s'entend. Puis bon, les entrevues, sans vouloir sonner froid, comme tu passes des entrevues, puis un coup que t'as choisi, puis tu passes à autre chose. Ouais. Rentre, on la forme, puis on travaille. Puis on a vu quand même du monde passer ici, puis on a vu du monde passer à l'arcade. Là. Ouais. Fait qu'à un moment donné, il y en a qui restent longtemps, puis il y en a qui ont l'entreprise à cœur, puis ça paraît, puis il y en a d'autres que c'est correct. Là, y a pas, ils sont là pour faire la job. T'es de passage, puis il n'y a pas de stress avec ça. Là, fait que voilà. Fait que Laine. Ouais, j'ai ton opinion sur Patrick Laine. On va finir avec le Canadien. Ouais. Ben là, c'est sûr que Laine, au dernier match, il était une marde pas possible. Il se pognait le cul. Puis moi, j'ai dit à mon gars, on écoutait la game, check Laine, là, il vient d'avoir une passe, là, il va se la faire en. Il était en zone adverse, là, il se l'est fait enlever comme un pee-wee, man. Il a pas patiné. Il patinait pas. Laine, il revenait au banc, c'est pas un joueur de hockey, ce gars-là. Non, il est comme. Patrick Laine n'aime pas jouer au hockey. Exact. Il y en a des. On le paye 8,6 millions tabarnak. On le paye-tu, ça? Quelque chose du genre, là. Moi, là, tu rachètes ton contrat, puis tu dis prends ta poche de hockey, puis décalisse. Ouais, je veux plus voir ce gars-là à l'équipe, jamais. Je le bencherai à la prochaine game, pour vrai, là. Puis tout le monde dans la foule avec des trucs roses de Laine, genre pour le boulier, c'est décaliste. Pour vrai, j'haïs ça, genre, un gars qui fait des erreurs, ça me dérange pas. Un gars qui fait pas les efforts, asti, là, en playoff, ça, c'est non acceptable. C'est ce que j'ai vu hier, c'est pas acceptable. Puis tu sais, à un moment donné, il filmait sur le banc, là, pendant 30 secondes, il a comme pas cligné des yeux, là. Ah, ou il était comme dans l'œil. Y a-tu pas dormi? Là, il a-tu retombé dans le gaming? Peut-être. Il y a de l'air de ça, pour vrai. Mais il y a de l'air dans toutes les teams qu'il a faites. Puis si, genre, les playoffs à Montréal plus Martin Saint-Louis ne peuvent pas le rallumer, ce gars-là n'a rien à faire dans la ligue. Va-t'en, là. Non, je suis d'accord. Moi, je trouve qu'il prend. Il n'est pas la place de quelqu'un d'autre. Je veux pas qu'il mette le reste de l'équipe en crise, là. Puis, genre, ça peut nuire à la culture du team, qui est une très bonne culture en ce moment. L'équipe est soudée, puis ce gars-là ne fit pas dans genre, la mentalité du club de hockey en ce moment. Absolument. Décalisse. Genre, bench-le, ramène-moi Jacky prochain match, là, puis. Ouais, peut-être, juste pour pas. C'est pas Slapshot, là. Tu peux pas remplir le club avec Steve Pazzetta puis Jack Hyde. Mais sinon, tu fais quoi avec Jack Hyde? Tu le trades, là. Tu le trades? Il vaut plus rien, là. Non, sinon, non, c'est là. Ça. C'est le temps. Moi je traderais Jack Hyde puis je traderais fucking. New York. Ben, en même temps, je sais pas qu'on a besoin de remplir des chandails. Mais moi, Leblanc, voyons, Logan Mayou. Ah, oh, non, lui, rien. Je traderais Jack Hyde puis Logan Mayou. On l'a dit à la soirée du podcast, ça fait de la place, puis t'amènes Sidney Crosby cette année. Ben là, ça serait... On a tout un rêve, là. Mais tu sais, à un certain moment aussi, c'était la job de Caulfield, là, de sniper, là, en le powerplay. Ouais, mais là, il est prévisible, Laine, sur le powerplay. Ben, ça marche jamais. C'est gênant, là. Le jeu qu'ils font en powerplay, c'est d'essayer de donner la puck à Laine. That's it. Puis il tire à cause du net calice, là, tout le temps. Oui. Il est comme de plus en plus loin, aussi, là. Il est poche, hostie. Lève tes hosties de patins, là. Ah, ouais. Mais moi, j'aimerais qu'on essaye Demidov le plus possible, puis qu'on le présentement, mette en on ne gagnera pas genre, les playoffs. Là. On se rendra pas en deuxième ronde, c'est à peu près sûr. Mettez-le sur la première ligne, mettez-le sur le premier power play. Genre, première c'est... ligne, je sais pas. Ben, essayez-le, ou deux... Je sais pas. Parce que tu peux pas... Chris, je comprends pourquoi. C'est la meilleure ligne, mais... de la NHL. Et, mais je comprends pourquoi Jean Saint-Louis le met pas en ce moment, parce qu'il faut pas lui mettre trop de pression. Ou non, si le gars vient d'arriver dans la ligue, ça doit tellement aller vite en ce moment pour lui, là, même s'il est très bon. Chris, c'est les playoffs contre les Capitals. Ouais. Contre Ovechkin qui vient de battre le record ultime de Gretzky. Là. C'est de la pression. Là. Ouais. Pour les mêmes raisons pourquoi ils l'ont pas mis en tir de barrage là, quand on était à la dernière game. Je l'aurais mis au début. Je l'aurais mis. Premier, là, pas troisième, je peux comprendre. Oui. Premier, là. Il était en feu. Mais pas Lainé, Non. Puis, j'aurais mis lui, Caulfield, Suzuki. Puis en 6 contre 5, là, au dernier match, là, je l'aurais mis. Là, mais oui, à la place de Dvorak. Là. Mais Dvorak joue 20 là, quand même. Oui, mais Chris, faut l'essayer. Il va créer des choses quand il y a de l'espace un peu. T'sais, il va apprendre à se créer de l'espace autour de lui. Là, il y a peut-être un peu de misère. Mais c'est beaucoup de pression parce que t'es dans le playoff, t'as joué deux games dans la NHL. Ah, mais personne, il s'attend. Mais je sais, ils se mettent de la pression. Les gars, pareil. Ouais. Slav qui braille, genre, en notre vue. Puis à peu près, là, genre. C'était. Rends pas ça de même, Slav. On ne tradera pas, là. Genre, moi, je l'aime, Slav. Je veux qu'il continue à évoluer. Je l'aime là. Beaucoup. Ah, il va évoluer. Moi, j'aime le core de cette équipe-là. C'est une bonne équipe. Là. On s'en va dans la bonne direction, j'ai l'impression. Là. Puis Saint-Louis s'en va pas. Puis. Non, tout est parfaitement aligné. Allez me chercher le deuxième bon centre. Puis, ben, ça aurait été supposé être Dak qui aurait été la pièce. Dak ne fait plus partie des plans. Dak ne fait pas partie des plans. Newhook n'est pas capable. Il n'est pas capable de scorer. Il est à Puck, ça a fallu. Il pourrait scorer avec le but ouvert. Lainé, c'est une joke. Matheson, il joue trop. Quand il a deux secondes pour penser, il fait le pire move. Genre, c'est ouais, non, c'est ça. Vivement Rainbacker l'année prochaine. Puis là, le monde, il parle beaucoup de Florian Jacquet. Ouais. Mais c'est quand même rare qu'on développe tant que ça des joueurs restés dans notre équipe école puis qui viennent. Non, là, ce qui nous manque après, c'est Cam Fowler qui s'en vient. Ouais. Mais moi, Tambo, moi, j'ai rien à dire. À date, c'est pas lui qui est le problème du tout en playoff. Ouais, non, il est impeccable. Puis on sait, ça, c'est ce qui est surprenant, c'est qu'on s'est pas fait péter des gens 6 à 1, mettons, en playoff à date des deux premières games. Ah non, non. À cause de Montembeau, là. Il est irréprochable. Il est parfait. Ça, c'est hot. Moi, Savard décrit ça. Ben, il est fini. Là. Il est fini. Il prend la retraite à la fin, anyway. Là, exact. Fait que ça va être goodbye, puis ça va être parfait. Ben, il a fait tellement des bonnes affaires, Savard, puis là, il score un but parce qu'il se fait Devin Puck sur le genou. Là. C'est... le Canadien qui continue de jouer de malchance. Ça, c'est de la malchance. Il capitalise pas sur nos chances, c'est ça. Mais j'ai hâte de voir aussi s'il y a peut-être Michael Hage l'année prochaine. Ouais, qui lui va aussi, peut-être se joindre. Peut-être ça peut aider. Il a la profondeur, là. Puis je pense qu'il y a des joueurs autonomes qui ont peut-être le goût de venir jouer pour nous autres en voyage, genre Demidov arriver puis toute cette gang là, c'est exact. C'est une bonne, c'est un bon point pour attirer le monde là. Mais ça prend un deuxième centre, ça prend un centre là. C'est Nick Crosby. Ah ça serait, Chris ça serait malade. Puis là t'amènes Crosby puis tu fais hey Marc-André Fleury, ça te tente-tu une année un contrat d'un âge? Ben pour vrai moi je suis à l'aise avec notre gardiennage là. Notre gardiennage. Dobesh a besoin de prendre un peu d'expérience, mais je l'haïs pas. Là. Oui, non, mais c'est ça. Mais... Mieux que Primo qui tente de brûler dans la Ligue américaine en ce moment. Là. Mais tu sais, j'écoute des podcasts de hockey, tout comme toi, et puis j'écoute dans La Poire et le fromage, le podcast de Louis Morissette. Ah oui, ben, je vois des extraits. Il est intéressant, et puis il mentionnait que... Pas toujours raison, par contre, Louis Morissette, dans ce qu'il dit, mais il est intéressant. Par exemple. Non, mais moi, je suis souvent plus de son bord. C'est-tu... Ah non, c'est pas dans celui-là, c'était dans Stanley 25. Dans Stanley 25, il disait que le coach des gardiens à Laval. Ouais. Donc, sur le Rocket. Il est jeune, puis il a des techniques de jeune, puis il est à jour, tu sais. Puis il prend les gardiens, puis il les fait chaîner. Puis après ça, quand les gardiens ils se font transférer à Montréal. Les coachs sont pas à jour. C'est un coach moins dedans, tu sais, avec des vieilles techniques. Fait qu'il éteint les gardiens. Okay. C'est ce qui s'est passé avec Primo, qui disent. Puis c'est ce qui est en train de se passer avec Dobesh aussi. Okay. Où est-ce que quand Dobesh est arrivé, il crisse, man. La ville capotait. Puis là, après ça, il commence à fade out. C'est comme si on éteignait les gardiens à Montréal à cause du gardien coaching. Ouais. Je trouvais que c'était un point intéressant. C'est un très bon point. Que si c'est un vrai point, par contre, je connais pas assez pour ça. Chris, changer ça, là. Mais aussi, peut-être que Primo est juste pas capable de... coaché dans NHL puis il est parfait pour la Ligue américaine. Ah, ça sera jamais plus que ça. Que Primo prend pas la pression dans NHL, ça se peut. Ça va plus vite là, aussi que la Ligue américaine. Oui. Là, c'est clair. Là, totalement. Fait que c'est un autre game. Là, ça t'sais. En prend des goalers de Ligue américaine. Fait que tant mieux s'ils shine là. Ben oui, absolument. En ce moment, le Canadien en playoff, le Rocket en playoff puis la victoire dans playoff. C'est Montréal vrai. En playoff partout. Ah ouais, la victoire doit être quand même puissante. Je pense que oui, j'ai pas suivi les stats de ça. Ouais. C'est le Canadien le moins fort dans tout ça. Ouais. C'est ça. Parce qu'on devait même pas être là cette année. Fait que moi, là, je regarde, puis genre, ils perdent, puis je suis pas en crise. Je suis comme, ah, maudit, on aurait dû gagner. On a bien bataillé, mais belle expérience pour les jeunes. Tout ce que je voulais pour cette année. Comme je disais à notre ami Seb Brutal, chaque minute en playoff, c'est du gravy. Ah ouais, il faut le voir demain. C'était pas prévu, c'est de l'expérience, on perd, fine, puis on se fait pas torcher non c'est plus. C'est ça, là. On est dans le game. Si on pouvait capitaliser sur les chances de marquer, on aurait gagné deux games, selon moi, déjà, là. Absolument. Si New Hook était capable de faire un one-timer ça, dans ce slot, là. Si Lainé patinait un peu plus, puis... Mais c'est ça. Alors, ça va deux games à Montréal, la foule... Ben, ça, ça va changer. D'après moi, on va en gagner une sur deux, puis on va aller perdre en cinq après ça au Caps à Washington, là. Peut-être, peut-être. Mais je pense qu'on va au moins en gagner une à Montréal. 406. Puis on perd à Montréal. Je confie à moi, personnellement, qu'on va gagner à la prochaine parce que le monde, là, ils vont être habitués. Là, ils vont savoir. Peut-être Saint-Louis va faire des petits ajustements. Ça va requinquer les troupes. Ça. Puis, d'après moi, on va donner un coup. Là. On va pas torcher les Caps, of course. Ben non, mais on se fera... C'est le meilleur team de la Ligue, quasiment. Oui, ont-tu fini deuxième au classement genre, général? Là, c'est un des meilleurs teams de la Ligue en ce moment, là. Non, c'est ça. Il ne faut pas Chris nous autres. Fous, là, on sort de le part. Ouais, on ne devait même pas être là. Puis c'est ça, comme c'est ça. C'est du gravy. Puis voilà. Ah, c'est très, très, très, très bon. Il y aura un épisode post-mortem éventuellement de la soirée du podcast. Là, parce que je pense pas qu'on va s'en rendre en round 2. Fait qu'on aura peut-être faire une autre show entre deux rounds. Fait. Puis après ça, il y a genre le WEG. Puis nous autres, on s'en va voir les Denis de relais vendredi prochain. Fait que ça me coupe un vendredi de l'SDP. Fait que. Après moi, fin mai, on fera un post-mortem à l'SDP. On vous laissera pas tomber. Puis après ça, peut-être le repêchage. Le repêchage, ça serait le fun. J'avais bien aimé ça. Faire des wings encore, puis bien de la bouffe, c'est très si plaisant. Ouais, ça, pour faire ça, on va le faire. Là. Comme des princes. Eh oui, manger comme des princes. Bon, ben écoute, on a couvert tout ça hein, aujourd'hui quand même. Ouais, de la lutte, du hockey, du gaming. On s'en va en conclusion. Fait qu'on s'en va en conclusion. Ratislav, quand on n'a pas de sujet, on défonce le temps. C'est bien vrai. On n'avait pas grand-chose. Fait qu'on invite les gens aussi à aller écouter l'épisode précédent où est-ce qu'on parlait beaucoup de... Où est-ce qu'on a couvert Microgenius, qu'on a fait une critique ensemble de Mario Baby. C'était cool, ça. C'était très intéressant. Donc, on en a donné pas mal dans cet épisode-là. Exploration de du Microgenius, ouais. Oui, monsieur. J'ai présenté tous les jeux que je possède de Microgenius. Donc, allez voir ça. J'ai allé sur la page Facebook et Instagram de Papa Cassette. Comme quand il y a de l'espace entre les shows, des fois je fais des petites publications sur mes derniers ajouts. Je fais mes ajouts de collection dans le show, mais quand il y a trop d'espace, je le fais. C'est médias sociaux. Palace est dans la place. Palace. Bonne fin de soirée, messieurs. Excellent show comme d'habitude. Ben, le gars qui haït les jeux en PAL. C'est ça. Mais c'est le fun de savoir qu'il était là. Ben oui. Hey. Hey, la Playdate ont annoncé la saison 2 finalement. Oh, c'est vrai, j'ai vu ça passer sur CCJVQ. Ça sera fin mai. Puis ils vont avoir 6 semaines au lieu de 12 comme il y avait dans la première. Fait qu'il va y avoir 12 jeux, donc 2 par semaine. 58$ canadiens, genre pour 12 jeux. Je vais le prendre, puis je fais des critiques de Playdate. Excellent, ça. Parce que mon gars est très primé, j'y ai dit qu'il va avoir des nouveaux jeux avec des cadeaux dans la Playdate que tu vas pouvoir ouvrir, puis là, il est comme oh, « Yes! » Genre, fait que là, on va ouvrir ça, puis je vous ferai part de ce qui sort dans les différentes semaines de la saison 2. Ben, c'est parfait, ça. La Playdate est toujours kicking ass, toujours là. Ben, ça, c'est cool. C'est un tannant de beaux produits. Ben oui, ça ben continue oui. de donner, de donner. C'est quoi cette image-là de pâle ass? On le voit très, très petit. En très petit, mais on le voit gros dans... C'est quoi son nom? Je l'ai rencontré, lui, en plus. C'est lui qui animait, genre, le surprise à mon père pour ses 70 ans, genre. Mon Dieu, c'est quoi son nom? Vous engagez des animateurs. Dis-nous donc, c'est qui, ça? Pas mal sûr qu'il faisait de la poudre dans les toilettes, d'ailleurs. Des gars de poudre dans les toilettes. Chez Arcade MTL, peut-être. J'ai vraiment un blanc. C'est quelqu'un qui... Un blanc comme de la poudre blanche. Ouais. Manuel Ortubiz, bon, c'est ça. Manuel Ortubiz. Fait que j'ai déjà rencontré Manuel Ortubiz un peu. J'ai jasé avec. Je suis sûr qu'il était sur la poudre. Ben, c'est bien gentil, ça, pour lui. On le salue. On espère qu'il est moins poudré, si c'était le cas. Oh là là. Merci, Tony Biz, yes. D'avoir été tout présent. Tout le monde a été présent. Merci à Domaine. Merci à ceux qui participent. Tout le monde, merci Tony à Jim. Biz, merci à Fingercut, as always. Toujours un plaisir. Galgator, Cyclone qui était là. Fingercut, on l'a dit. Là, King Nadera, of course. Jim était là. Jim était là. Pipi Cacapoil. Ah ouais, qui est juste venu nous dire qu'il y avait des problèmes. C'est ça, distorsion, guys? Ah, Frencher des compresseurs, on parlait trop proche des micros, peut-être, ou on criait dans les micros. Ça appelle rien que pour chanter des bêtises. comme dans Slapshot. J'aurais pu baiser le micro, effectivement. Je pense qu'on pique peut-être un petit peu, ça arrive. Bon, bon, bon. Ben, on fait notre possible. Ça rappelle rien piquer des baisers, ce qu'on tabarnak. Fait que, attends, prochain spectacle, ça serait donc mercredi dans deux semaines. C'est-tu possible? Ça va être la semaine avant le WEG. Ouais. Fait que mercredi. Ben, moi, j'ai rien. Moi non plus. Ça serait mercredi le 7 mai. Ouais. Donc, j'aurai rien. Le 10 mai, CCJVQ, pour ceux qui s'intéressent, je vais faire un rappel. Et puis, le WEG est bien plus tard que ça. Fait qu'on a ça même quasiment à Chris deux shows avant le WEG. Ah, c'est sérieux? OK, bon. Non, c'est faux. C'est le show avant le WEG. C'est le show avant le WEG et après... le... Fait que ça tombe bien. On va pouvoir parler du WEG en revenant. Exact. Fait qu'il y aura un show avant le WEG. Après ça, on va revenir avec un spécial de nos jeux du WEG où est-ce qu'on aura schmoppé en fou là, puis manger du bacon. Bon, ben c'est fantastique. Qui repose dans mon frigo en ce moment. Là. Ah, oui. Tu mettrais de la petite vache. Ouais, ben pas joué, mais ça sent tout sent à boucan dans son Nice. Bon, ben, merci à tous d'avoir été là. Bonne fin de soirée et à très bientôt. Bye tout le monde.